bar des sciences, chacun nourrit sa pensée et chacun nourrit sa pensée. Merci d'être si nombreux. C'est le mardi de l'espace qui est organisé, comme à chaque fois, par le CNES et par le réseau Bar des Sciences Paris. Voilà, tout est en place. On a les amis Twittos qui sont là, qui vont raconter sur Twitter, en direct, ce qui va se passer. Ils font un live tweet pour raconter sur Twitter ce qui se passe au cours de cette soirée avec le hashtag CNES TweetUp. Et on a Xavier qui est là également. Salut Xavier, quelques notes. Xavier est avec nous ce soir pour nous accompagner musicalement. Donc les briques de la vie viennent-elles de l'espace? C'est le sujet d'aujourd'hui. Il y a 3,8 milliards d'années, probablement, environ, la vie est apparue sur Terre sous la forme d'un petit micro-organisme qui était capable de se reproduire en transmettant une information vitale. Cet ancêtre commun à toute l'humanité a existé, c'est aujourd'hui certain, nous disent les scientifiques, mais personne, jusqu'à présent, n'a été capable de décrire avec précision comment des éléments inertes, des molécules, de simples molécules, ont pu, même si elles sont complexes, ont pu s'assembler entre elles pour créer le premier être vivant. Et personne d'ailleurs ne sait exactement, avec précision, à quoi ressemblait ce micro-organisme. Alors c'est pour lever ces mystères que pas à pas, des chercheurs, évidemment, travaillent, étudient la question. Ils se demandent, quelles sont les briques de la vie qui sont produites dans l'espace? Comment ces briques produites dans l'espace ont pu ensemencer la Terre? À quoi ressemblait l'ancêtre initial, qu'on appelle parfois LUCA, le Last Universal Common Ancestor, l'ancêtre commun universel ultime? Voilà, ce sont certaines des questions que se posent les scientifiques. Ce sont certaines des questions que vous allez pouvoir poser ce soir aux scientifiques qui sont présents. Merci beaucoup de les accueillir, s'il vous plaît. C'est Michel Vizeau, c'est Cécile Favre, Caroline Fraissinet et Vassilissa Vinogradov. Bravo! Voilà. Et moi, je suis ravi d'être avec vous. Je suis journaliste scientifique. Je m'appelle Paul Debrenne. Alors, je suis bien présent corporellement. J'espère que ma voix va tenir jusqu'au bout. C'est mon challenge de ce soir. Alors, on va faire les présentations un petit peu. On va commencer par vous, par exemple, Caroline Fraissinet. Prenez le micro, dites-nous un petit peu qui vous êtes. Bonjour, donc je suis Caroline Fraissinet. J'ai effectué une thèse en chimie analytique et chimie organique à l'École Centrale Paris en collaboration avec le LISA, le Laboratoire Universitaire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques à l'Université Paris-Est Créteil. J'ai travaillé sur l'expérience MOMA, donc Mars Organic Molecule Analyzer, de la mission ExoMars 2018, et depuis deux donc ans... Donc ça, c'est un MOMA, c'est un instrument qui est destiné à voler, enfin à partir sur un rover, voilà. Donc un véhicule automatisé qui va être capable de se déplacer à la surface de Mars. Exactement. Et c'est un véhicule européen. C'est un véhicule en collaboration donc entre international avec la NASA, les États-Unis, la Russie maintenant et différents pays européens. Parfait. Et alors, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Et donc aujourd'hui, depuis un peu plus de deux ans, je suis donc en postdoctorat au NASA Goddard Space Flight Center à côté de Washington DC. Et je travaille sur le rover Curiosity qui est actuellement en activité intense sur Mars. Et, donc c'est un rover qui roule actuellement à la surface de Mars, le rover Curiosity américain, avec une forte, assez intéressante participation européenne et française. Voilà, une très forte collaboration internationale avec le Canada, le Mexique et l'Europe, et notamment très forte collaboration française. Voilà. Et donc, l'instrument SAM sur lequel vous travaillez, eh bien, l'une de ses objectifs, si je peux dire, c'est effectivement de rechercher des molécules organiques, c'est-à-dire des molécules qui pourraient avoir servi à la fabrication, si je puis dire, de la vie, une des briques de la vie. Tout à fait. Donc l'instrument SAM, donc pour Sample Analysis at Mars, a différentes capacités, dont celle d'analyser le sol martien afin de détecter des molécules organiques à la surface de Mars. On va continuer, non pas avec Michel Vizeau qu'on va garder pour la fin, mais avec Vassilissa Vinogradov. Bah, bonjour à tous, bonsoir plutôt. Donc moi je suis chimiste de formation, j'ai fait ma thèse au laboratoire de physique des interactions ioniques et moléculaires à Marseille sur la recherche, enfin la formation des molécules complexes au sein des glaces interstellaires. Donc là on se situe dans le milieu interstellaire et donc on recherche les comment... Les glaces interstellaires, donc ce sont des molécules glacées qui se situe entre les étoiles dans l'espace. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc interstellaire, donc entre les étoiles. Et donc on cherche à savoir comment des molécules complexes qui peuvent ensuite être des précurseurs à des molécules comme des molécules contenant de l'ADN, comment ces molécules peuvent être formées dans le milieu interstellaire. Donc ça veut dire que dans le milieu interstellaire, donc là où assez simplement, en général, on dit il y a du vide, donc il y a du rien. Non, il n'y a pas de vide. En fait, il n'y a pas de vide, il n'y a pas de rien. Enfin, vu à certaines échelles, en tout cas, il y a énormément de choses. Et en tout cas, il y a des molécules qui sont là et qui évoluent. Hein. Il y a toute une chimie qui se produit là. Et il y a aussi des molécules intéressantes pour la vie, des briques de la vie, qui sont peut-être, qui sont certainement en train de se fabriquer lentement. Parfait. Et puis Cécile Favre. Donc bonsoir. Donc moi, j'ai fait ma thèse, donc c'est un peu similaire à Vasilia, sauf que c'est sur la recherche de molécules simples et complexes, mais dans le milieu interstellaire. Donc pas sur les grains glacés, mais directement les molécules qui sont en phase gazeuse. Et voilà, au niveau observationnel. Ok, et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites ? Je suis en postdoc à l'Université du Michigan. Ah, et en quoi consiste votre travail ? Je recherche toujours des molécules simples et complexes. Absolument, tout à fait. Et avec la composante exobiologique. Avec la composante exobiologique. Mais alors, il y en a une de vous deux qui est plus sur les questions de radioastronomie. Voilà, c'est Cécile. Et Vasilisa, elle fabrique des molécules organiques en laboratoire. Hein, je ne me trompe pas ? D'accord. Elle fabrique des molécules organiques en laboratoire en essayant de reproduire les conditions qui existent dans l'espace et pour voir qu'est-ce qui apparaît. Quand on reproduit les conditions qui existent dans l'espace, quelles sont les molécules qu'on arrive à fabriquer ? Voilà. Et puis Michel Vizeau ? Qui êtes-vous, Michel Vizeau ? Donc moi, je ne fais rien au Centre National d'Études Spatiales, puisque c'est bien connu, on ne fait rien au Centre National d'Études Spatiales. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors, je dis de façon provocante, parce que c'est pas là qu'on fait la science. La science, elle se fait avec les scientifiques qui travaillent dans les laboratoires, qui sont en postdoc ou qui sont dans les laboratoires avec des statuts. Et nous, notre rôle, c'est de donner aux scientifiques les moyens de travailler. Des moyens au niveau financier, bien sûr, ça c'est ce qui les intéresse beaucoup, ils n'arrêtent pas de pleurer après moi pour que je leur donne des budgets, mais aussi au niveau de l'organisation, des coopérations avec les Américains, notamment, mais ça se traduit par le fait qu'ils peuvent aller ensuite dans les laboratoires, parce que les scientifiques français travaillent avec les scientifiques américains, ou chinois, ou russes, ou allemands, etc. Japonais ou indien, enfin bon, on a un réseau. Et notre rôle à nous, c'est pas de faire la science, c'est d'accompagner les scientifiques pour qu'ils puissent faire cette science. Alors pour les accompagner, il y a deux choses. Il y a d'une part le fait qu'ils expriment leurs besoins, c'est-à-dire ce qu'on appelle une communauté. Donc il y a une communauté forte exobiologique en France et en Europe qui a des idées, parce que c'est dans cette communauté que naissent les idées nouvelles pour les explorations de demain. Et donc notre rôle, c'est de faire émerger ces demandes. Et votre rôle à vous, quelle est votre fonction exacte au CNES aujourd'hui ? Donc ma fonction, c'est ce qu'on appelle responsable thématique de l'exobiologie et de la protection planétaire. Donc je protège aussi la planète. C'est un autre sujet, on l'abordera une autre fois sans doute. Et donc c'est vraiment de trouver les budgets, de trouver les missions, de négocier, de suivre techniquement que les choses se produisent bien et mobiliser les techniciens de Toulouse, les ingénieurs de Toulouse, pour qu'ils accompagnent la fabrication d'instruments originaux, puissants, etc. Parce que l'exploration spatiale, pour aller chercher des molécules, c'est grosso modo mettre un laboratoire de 400 mètres carrés avec 15 chercheurs et 250 prises, mettre tout ça dans une boîte qui fait 30 cm sur 30 cm sur 30 cm. Et l'envoyer dans l'espace. L'envoyer dans l'espace qui fonctionne de façon automatique et qui nous envoie les données. Bon. Le spatial, c'est ça. Donc c'est effectivement assez compliqué. Alors, ça fait pas mal de temps que vous suivez évidemment ces questions d'exobiologie. Et j'avais envie de vous poser quelques questions, et puis je vais me permettre de vous poser quelques questions. Et après, je viens jusqu'à vous, hein, dans le public, je vous passe des micros, et vous allez pouvoir discuter directement avec nos quatre intervenants de ce soir. Michel Vizeau, avant 3,8 milliards d'années, il n'y a que de l'inerte, il n'y a que des molécules inertes. Et un jour, on passe à quelque chose, il y a quelque chose qui est vivant, il y a quelque chose qui se reproduit, en transmettant une information de base comment est-ce qu'on passe de l'inerte au vivant? Merci. Bien, je vous remercie de votre question. Alors, 3,8 milliards d'années, ce n'est pas une frontière absolue. Et la transition entre la chimie inerte, si tant est que la chimie soit inerte, enfin, disons entre des réactions qu'on considère comme qu'on peut faire dans n'importe quel tube, et puis le fait qu'il y ait une autoréplication, cette frontière, on ne l'a... Une autoréplication, oui, elle disait, quelque chose. La reproduction, en fait, c'est la réplication. Voilà, alors la reproduction, disons que pour commencer, c'est la transmission de l'information, et cette information, bien entendu, il faut qu'elle soit capable de provoquer une synthèse derrière. Synthèse, c'est-à-dire de la production. C'est-à-dire la production. Alors bon, quand on dit de la transmission d'information, aujourd'hui c'est l'ADN principalement, hein, auquel on pense. Ah oui, mais c'était peut-être de l'ARN. Voilà, et à l'époque voilà. Non, mais juste pour bien comprendre de quoi on parle quand on parle d'information, on comprend bien qu'un être vivant aujourd'hui, il a besoin d'ADN pour exister. Et à l'époque, il y avait quelque chose qui ressemblait, entre guillemets, en tout cas c'était de l'information, sous une forme ou sous une autre. Et voilà, ce qui était sous une forme moléculaire probablement, voilà. Et qui est passé. Ah bah, ouais. L'information, elle se transmet que sous forme moléculaire. Hein. Là, il faut. Bon, et pour l'instant, ce que l'on pense, disons, ce qui est à peu près consensuel, toujours discuté dans la communauté scientifique, c'est que c'était l'ARN, l'acide ribonucléique, qui est formé de choses extrêmement simples. Extrêmement simples, et c'est là qu'on parle de briques de la vie. D'abord, il y a des molécules de phosphate, PO3. Hein, qui compte, on l'oublie souvent, mais il faut qu'il y ait du phosphore pour que ça fonctionne. Deuxièmement, il y a un sucre qui est le ribose, qui est un sucre relativement simple, et on commence à voir justement avec des observations que ça peut exister, ça peut se former dans le milieu interstellaire. Et puis ensuite, il y a, donc ça c'est vraiment l'ossature, c'est phosphate, ce qui donne la structure. Phosphate ribose, ça c'est l'ossature. Et ensuite, il y a ce que l'on appelle les bases nucléiques, qui donnent le code génétique. Alors les bases nucléiques, il y en a 4 dans l'ARN, l'adénine, l'uracile, la guanine et la thymine. La cytosine. Et donc avec ces quatre lettres, on fait des mots, ce qu'on appelle des gènes. Et c'est ça qui transfère l'information. Nous, quand on parle d'information, on a un alphabet latin à 26 lettres, mais eux, ils ont... Transmission d'une certaine information que je qualifie de vitale. Est-ce que... Alors, il faut bien sûr une membrane, il faut une structure tout autour de ça. Est-ce que... Voilà, il faut... L'information, elle n'est pas toute seule, quoi. Il y a toute une structure autour. Alors, la membrane, c'est un peu dans un deuxième temps. La première chose, c'est qu'il faut de l'énergie. De l'énergie. Ben oui, parce que... Il faut de l'énergie chimique pour que cette information, puisqu'il faut que les petites molécules s'assemblent et qu'à la fin, elles fassent vraiment un mot. Donc pour ça, il faut de l'énergie. Cette énergie, c'est une énergie chimique qui est fournie par des moyens divers. Alors maintenant, chez nous, dans nos corps, de la bactérie à l'éléphant en passant par l'adolescence, c'est de l'ATP et d'ADP. C'est ce qu'on appelle adénosine diphosphate et adénosine triphosphate. C'est ce couple qui fait que... Donc on comprend qu'il y a tout un monde de molécules à rassembler. Et alors ça peut se produire... Alors est-ce qu'il faut une membrane? Oui, pour qu'un individu existe, un individu au niveau micro-organisme... Un micro-organisme ben, un microbe, existe, si je puis dire. Un microbe, voilà. Alors, un microbe. Ah bon, on se comprend. Mais le microbe, quand on dit microbe, il y a une petite connotation méchante derrière. Alors que le premier était gentil. Ah, le premier n'était pas... Il était. Voilà. Il était là. Il n'y avait pas... Pour être méchant, il faut avoir un interlocuteur. Et s'il n'y a pas d'interlocuteur... Il n'y avait personne à décimer encore. Voilà, il ne peut pas être méchant. D'accord. Donc, ce micro-organisme ou ce microbe... Il faut qu'il devienne un individu, donc il faut qu'il soit isolé. Mais il n'est pas impossible que les premières réactions se soient faites par un emprisonnement électrostatique à la surface d'une argile, par exemple, dans une petite flaque, ou des choses comme ça. C'est quoi l'argile, l'emprisonnement électrostatique, je suis perdu. Parce que j'ai compris jusqu'à présent qu'il fallait des molécules, donc de la matière organisée sous forme de molécules, un sucre, molécule par exemple un sucre, du phosphate, des choses comme ça, des briques de la vie au global. Tout ça, c'est de la matière organique, hein, si je ne me trompe pas. Bah, sauf le phosphate. Oui. Sauf le phosphate, d'accord. Mais donc, c'est de la matière qui contient, qui est à base de carbone. Hein. La matière organique, c'est du c'est schnops. Carbone, hydrogène, azote, parce que l'azote, ça c'est N, le symbole de l'azote, O pour l'oxygène, P pour le phosphore, S pour le soufre. Schnops, donc, il faut tout Schnops. Ça. Vous mettez tout ça ensemble, vous faites ça. Une chimie et tout ça, ça constitue la vie. Okay. Ça peut constituer. Évidemment, et bien sûr, ça c'est, peut. Bah, on essaye hein, de le mettre dans des tubes, on agite bien fort, mais ça ne fait jamais pas. Que. Bah, ça fait schnops. Ça fait juste schnops, voilà. Ça ne fait pas schnops, youpi. Voilà. Bon, d'accord. Et alors là, vous m'avez parlé tout à coup d'argile, d'électrostatique. Alors, pour qu'un grand nombre de réactions successives se produisent dans un espace confiné. Les réactions, elles sont là pour produire ces molécules un peu. Complexes qui vont s'assembler, on est d'accord. Elles se complexifient petit à petit. On a besoin de molécules qui se complexifient petit à petit. Voilà, et pour que ça soit possible, il faut que ça soit concentré, parce que la chimie, alors il y a des chimistes dans la salle, je les connais, je ne les dénoncerai pas, mais la chimie des milieux extrêmement dilués, c'est une chimie qui est extrêmement lente et qui n'existe pratiquement, enfin qui est très difficile à concevoir. Or, pour que la chimie se fasse assez rapidement, il faut qu'elle se fasse dans des milieux concentrés. Rapidement, ça veut dire. Il faut que ça soit, bon, le temps de génération d'une bactérie, c'est 10 minutes, donc il faut que ça soit quand même dans quelques heures. Il ne faut pas que deux réactions successives se fassent en deux siècles. Il faut que les molécules se rencontrent. Pour que deux molécules réagissent, il faut qu'elles se rencontrent. Oui, c'est ça. Donc il faut qu'elles soient assez proches l'une de l'autre. Mmh. Il faut que ça soit des réactions qui se fassent en quelques heures ou en quelques minutes. Donc il faut un milieu propice. Donc il faut qu'il y ait un confinement et un milieu propice. Donc un milieu propice, c'est un milieu liquide. Parce qu'il faut que les molécules puissent se migrer, se rencontrer finalement. Voilà, il faut qu'elles puissent se rencontrer. Si elles ne se rencontrent pas, il n'y a pas de réaction chimique. On a un milieu, dans le milieu interstellaire, c'est un des problèmes entre autres, hein, c'est que souvent les molécules sont très éloignées les unes des autres et les chances qu'elles se rencontrent sont extrêmement faibles. Donc le milieu interstellaire, c'est un milieu extrêmement dilué. Donc il y a des réactions chimiques que l'on détecte sur des échelles extrêmement grandes, qui sont des années-lumière, des volumes énormes, et qui sont dans des temps qui sont aussi très longs. Ce n'est pas de la chimie instantanée. C'est pas... Donc voilà. Très bien. Alors, et les argiles ? Donc liquide, et en fait, l'argile, c'est quand elle est liquide, L'argile, ça pourrait être une surface réactive qui permette à ces molécules, parce qu'elles ont des relations avec cette argile, elles sont absorbées dessus, c'est-à-dire ce que j'appelle une liaison électrostatique, hein, eh bien, ça les permet de se rapprocher et donc de réagir assez facilement, de se concentrer sans être enfermé dans une membrane. Ok, donc là, la science est en train de nous dire à travers votre voix, voilà ce qu'on peut éventuellement imaginer pour permettre la rencontre de ces molécules afin qu'elles se complexifient, que des réactions chimiques aient lieu, etc. Peut-être que les argiles ont pu jouer un rôle. On est à l'état d'hypothèse. On est à l'état d'hypothèse pour tout ce qui est avant 3,8 milliards d'années, parce que pour l'instant on a des hypothèses qui sont fondées, c'est pas du rêve. Une hypothèse, c'est quand même quelque chose qui est construit à partir de ce que l'on connaît des réactions chimiques, à partir de ce que l'on connaît de la physique, à partir de ce que l'on connaît disons de la terre. Ce que je veux dire, c'est que ça pourrait éventuellement fonctionner comme ça, voilà. Mais on n'est pas sûr que ce soit effectivement. Disons que c'est le chemin que l'on considère comme étant le plus probable avec les connaissances actuelles que l'on a dans tous ces domaines. Mais on est d'accord quand même que tout ça est assez flou, si je puis dire. On a des idées, ça devient de plus en plus net, on en sait de plus en plus, mais aujourd'hui, on n'a pas un scénario, même hypothétique, si je puis dire, permettant de partir de la matière inerte pour arriver à un premier organisme vivant. On n'a pas un chemin unique en se disant, tiens, on va regarder ces différentes étapes pour vérifier si c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Non. On a des idées de grands événements qui ont pu se succéder les uns derrière les autres, probablement. Ok, alors on va aller dans ces briques de la vie, voir si elles viennent de l'espace, notamment avec Vassilissa Vinogradov. Et donc, l'un de vos travaux au LISA, c'est d'essayer de recréer les conditions du milieu interstellaire. Pardon ? Au LISA et au PIM. Oui, au PIM, ça c'était à l'origine, bien sûr. Au LISA et au PIM, oui, c'était à Marseille. Donc, essayer de recréer les conditions du milieu interstellaire pour voir ce qui se passe. Alors d'abord, recréer les conditions du milieu interstellaire, ça passe par quoi ? Comment est-ce qu'on fait pour recréer ? Ça ressemble à quoi le milieu interstellaire ? Qu'est-ce qu'il faut pour le recréer, le simuler ? Alors, le milieu interstellaire, déjà, c'est très froid. Vraiment très très froid. On est à moins 270 Kelvin. Moins 270 Kelvin. 65, ouais. Donc on est au zéro absolu, là. On n'est pas au zéro, on est plus 5 Kelvin, 10 Kelvin. Donc déjà, il faut reproduire des températures très très basses. Ensuite, il y a une pression également qui est très très basse dans le milieu interstellaire. Donc, on est à combien de bars? Je sais pas si ça a sens. Là, on est en millibars. En millibars. 10 puissance moins 15. Donc, on fait le vide. Ça vous faites, fait des... vous ouais. faites le vide. Oui, on fait oui, presque le vide. Bon, en laboratoire, on n'arrive pas exactement à reproduire la pression du milieu interstellaire qui est vraiment très basse. Bon, on s'approche au mieux qu'on peut. Et ensuite, donc, moi, pour mes travaux, nous, on travaille sur les glaces interstellaires. Donc, en fait... Les glaces interstellaires. Michel a dit que donc dans le milieu interstellaire, on est très dilué. Donc ça, c'est particulièrement pour la phase gaz. Parce que pour la phase solide, en fait, donc les glaces interstellaires, c'est la phase solide du milieu interstellaire. C'est vraiment des petits grains qui sont de la taille de la dizaine ou de la centaine de microns. Et en fait, à Alors, la surface micron, de ces petits grains... Le micron, c'est le millième de millimètre. Oui. Voilà, donc oui, c'est un tout petit c'est micron, vraiment, et là on est très petit. À la centaine de microns. Okay. Ouais. Et en fait, à la surface de ces grains, et ben on va avoir une couche de glace composée de molécules organiques. Donc, si vous voulez, elle aura, enfin, les molécules vont être plus proches l'une de l'autre donc que dans une... en phase gazeuse. Donc, il faut imaginer dans l'espace des minuscules petits grains, des petites poussières, des petites poussières, qui sont composés de glace, mais aussi de matière organique. Voilà, c'est ça. En fait, quand je dis glace, c'est une composante majoritaire, c'est l'eau. Ouais. Et ensuite, il y a des molécules organiques. D'accord. Et inorganiques. Et donc, quand on recrée les conditions du milieu interstellaire comme vous le faites, vous arrivez à produire de tels... Oui, donc voilà. Donc, en fait, nous, c'est l'avantage de travailler sur des glaces. C'est que ouais. Donc, c'est vraiment des petits grains. Donc, dans une pièce, dans un laboratoire, ça prend pas beaucoup de place de recréer une expérience comme ça. Et oui, on recrée vraiment une glace composée de matière qu'on va ensuite faire évoluer. Alors, donc vous avez créé cette glace et vous allez la faire évoluer. Comment est-ce qu'on fait évoluer? Ouais. Vous avez des feuilles. J'avais donné des feuilles. Alors, on va prendre cette feuille-là. On peut prendre celle-là, oui, enfin, c'est après la manip aussi. Alors, on va prendre cette feuille-là, si vous voulez bien. Celle-là, vous voyez, où il y a les quatre images... les unes à côté des autres, là on voit, ça s'appelle évolution stellaire, en haut il y a écrit évolution stellaire, donc vous avez ces images normalement à côté de vous. Alors on en a, oui. Oui, donc en fait je pense que, du moins j'espère, vous êtes tous familiers avec ce qu'on appelle des nuages moléculaires, donc non. C'est des... Non, la réponse d'accord. est non. Donc, soyons très clairs, la réponse est non. Donc, c'est des concentrations de matière qu'on va retrouver dans l'univers. Alors, où est-ce qu'on le voit, le nuage moléculaire? Juste au début, en fait. C'est marqué nuage moléculaire dense. Donc en là, haut, typiquement, gauche, là, c'est la tête du cheval dans Orion. En haut, à gauche, vous voyez un nuage moléculaire. Donc, effectivement, hein, ça a la forme d'un nuage. D'un nuage. Donc, et ça, c'est un nuage gigantesque, hein, pour le coup. Oui, les dimensions oui, sont gigantesques. C'est gigantesque. Et c'est composé de matière gazeuse et de matière solide. Ok. Et ça, c'est là-dedans que des étoiles vont commencer c'est à là-dedans apparaître. Que des étoiles vont se former. Donc ici, je vous ai remis en fait l'évolution stellaire. Donc c'est à l'intérieur de ce type de nuage de moléculaire que, à un moment, en fait, à certains endroits du nuage, la matière va être très très dense, très va en avoir concentré. Énormément concentré, voilà. Et à ce moment-là, il y a un processus particulier qui se passe, qui est que l'environnement va s'effondrer sur lui-même, et au cœur de cette zone, on va avoir la formation d'une étoile. Donc c'est l'étape d'après qui est la proto-étoile. Alors c'est ce qu'on voit en deuxième position, voilà, la proto-étoile. La deuxième image. On voit une étoile, vous voyez une sorte de disque noir, n'est-ce pas, et sur autour, les bords. Il y a un disque noir voilà, qui en fait qui résulte donc de la matière du nuage moléculaire qui n'a pas été encore accrété, condensé par l'étoile en fait. Condensé, qui s'est pas encore concentré si je puis dire. Donc voilà. Ce grand nuage qu'on voit à gauche, il s'effondre sur lui-même. Au centre se crée une étoile, autour on a un disque de gaz, ensuite de poussière. On a les planétésimaux. Et ensuite ce disque donc, va évoluer parce qu'il va être en rotation autour de l'étoile, il va s'aplatir au fur et à mesure et la matière va se condenser, va s'accréter et va former ce qu'on appelle donc, des planétésimaux qui sont en fait donc, les ancêtres des planètes ou, et des petits corps d'un système planétaire. Des petits corps qui vont entrer en collision les uns avec les autres, voilà, qui vont ça. Fabriquer des planètes. Okay. Et puis un système planétaire. Donc c'est-à-dire une étoile avec des planètes tout autour. C'est pas le cas de toutes les étoiles qui vont se former. Hein. Il faut que cas particulier des étoiles, qu'il ne faut pas qu'elles soient trop massives, sinon elles vont englober toute la matière du disque circumstellaire. Du coup, il ne va plus rester assez de matière pour former des planètes. Mais voilà, c'est le scénario qu'on suit globalement pour faire évoluer nos glaces. D'accord. Et donc, on voit bien qu'on part d'un nuage de gaz et qu'à la fin, on arrive à une étoile avec des planètes tout autour. Donc, il y a toute une histoire comme ça de ces nuages de gaz. Et alors, en bas, qu'est-ce qu'on voit? C'est comment vos petits grains évoluent, c'est ça? Alors, en bas, c'est schématiquement. Donc, il y a un petit grain, donc, sur la gauche, avec une pellicule de glace qui va se former autour de ce petit grain. Donc, en fait, cette pellicule de glace, c'est ce qui est bleu, c'est ça? Oui, c'est ce qui est bleu avec des petites molécules, là. Je sais pas exactement. Tout autour, ouais. CO, CO2. D'accord. Et cette glace, en fait, va se former dans la première étape, qui est les nuages moléculaires denses, principalement. Dû en fait aux basses températures de ces nuages, les molécules vont s'absorber sur les grains, sur ces grains froids en fait, ça va leur faire une surface. S'absorber, ça veut dire donc s'associer, hein. Oui. Ok. Oui. Se coller, quoi. Bonjour monsieur. Et ensuite, donc au cours de cette évolution stellaire, ces glaces vont évoluer puisque au centre de ce nuage va se former une étoile et que l'étoile elle va émettre des particules, elle va irradier l'environnement. Donc on comprend très bien que à gauche, en bas, on a notre petit grain de glace dont on parlait, mais on voit au milieu que ce petit grain de glace il a comme grossi, si je puis dire, et on voit en haut des espèces de petits serpentins. Là, ce sont des rayonnements. C'est-à-dire que l'étoile en s'allumant a commencé à produire des rayonnements et ces rayonnements vont avoir des conséquences sur le grain. Quelles conséquences? Finalement, il y a une nouvelle chimie qui est en train de se mettre en marche là. Tout à fait, oui, ça va impacter les molécules, ça va les modifier, ça va les faire réagir entre elles, ça peut les casser et on va vraiment avoir un changement global de la composition chimique et physique du grain. Simuler ou recréer ce milieu interstellaire, vous disposez également de lampes, si je peux dire, qui vont irradier ces grains pour voir ce qui va se passer. Hein. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est la dernière étape, là, en rouge. En fait, c'est une glace complètement modifiée avec des molécules qui vont être relativement complexes, en fait, du moins pour le milieu interstellaire. Et c'est rouge parce que en fait c'est des molécules qui vont rester dans nos expériences solides en fait à notre température, à température ambiante, donc 0 degré Kelvin, Celsius. 0 degré Celsius, ouais. Et c'est des molécules qui peuvent être incorporées en fait aux différents corps. Petit corps d'un système planétaire, donc, c'est-à-dire les astéroïdes ou les comètes. Donc on voit très bien qu'on est parti à gauche du grain bleu, qu'il a évolué, qu'on arrive au grain rouge, et que ce grain rouge, il reste tel quel. Plus ou moins, oui. Plus ou moins, et il peut s'incorporer à un astéroïde, à une comète, etc. Voilà, c'est ça. Et donc un jour, cette comète, si elle vient frapper la jeune Terre, cette petite molécule-là, qui est pleine de matière organique, hein, elle peut aller arriver sur Terre finalement. Oui, tout à fait. Oui. Ok, donc on voit bien là effectivement la manière dont les choses peuvent se passer et comment effectivement de la matière organique qui se crée dans le milieu interstellaire peut finalement arriver via les comètes, via les astéroïdes sur une jeune Terre éventuelle. Ok, on va parler tout à l'heure de HMT, hein, c'est une molécule que vous avez notamment récemment découverte. On va juste, on verra après, on va continuer de faire notre petit tour, on y reviendra ensuite. On va continuer avec Cécile Favre. Alors Cécile Favre, vous plutôt spécialiste de radioastronomie, et vous... Juste préciser quelque chose, donc, au niveau des grains, de ce qu'a montré. Alors parlez bien dans le micro, oui. Vous l'avez bien prêt. Donc les molécules qui sont collées au grain, également quand l'étoile se forme, elle va émettre des rayonnements, elle va chauffer, elle peut libérer potentiellement ces molécules en phase gazeuse. Et plus tard, au niveau de la formation des comètes ou des planètes, elles peuvent également être incorporées comme ça sur les corps. Ce n'est pas forcément une collision des grains, c'est plusieurs phénomènes. D'accord, parfait. Alors vous faites de l'astrochimie, dont vous vous intéressez à la chimie qui a lieu dans l'espace, non pas en essayant de la reproduire sur Terre, hein, comme ce que fait Vassilissa, mais en essayant d'observer directement dans l'espace les espèces moléculaires, les molécules, qu'on peut y trouver. Alors, quel moyen est-ce que vous employez pour essayer de détecter des nouvelles molécules, de la matière organique dans l'espace, dans le vide, là aussi, interstellaire? Donc, c'est cette image qu'il faut prendre. Alors, on va prendre une autre image. C'est cette image-là vous avez quatre photographies les unes à côté des autres. Voilà, c'est la photo. Vous avez quatre photographies les unes à côté des autres qu'il faut prendre avec des observatoires, etc. Alors, ça, ce sont ces observatoires-là. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut observer soit depuis l'espace, soit depuis le sol. Donc, pour faire simple, chaque molécule a une signature spectrale qui lui est propre. Chaque molécule a une signature qui lui est propre, une signature spectrale. Un peu comme nous et nos empreintes. Voilà. Ouais, c'est une sorte d'empreinte qui est laissée. Pour chaque molécule. Qui est laissée dans la lumière, on peut dire ça. Hein. Dans une partie du spectre. Il y a le visible qu'on voit, mais c'est plutôt dans le millimétrique. Alors, quand je parlais de la lumière, je parlais de la lumière au sens large. Pas seulement la lumière visible, mais aussi la lumière. La lumière, c'est aussi de l'infrarouge, voilà. C'est aussi de l'ultraviolet, etc. Les ondes radio. Voilà. Et donc, c'est une lumière qui est à une fréquence qui est autour de la radio. Voilà, c'est ça. Donc, les molécules émettent, ça c'est intéressant, hein. Ces molécules, elles émettent dans la radio, hein, voilà. Finalement, dans le domaine radio. Et on peut les observer, donc. Et donc, on a, nous, des antennes pour récupérer cette signature. Voilà. Ouais. Donc, comme vous pouvez voir sur l'image, donc la première image, c'est une antenne unique. La première image, c'est celle en haut. Il y a une seule antenne. Donc, ça, c'est un instrument depuis le sol. La seconde image, à gauche. On peut dire que c'est l'IRAM. C'est le 30 mètres de l'IRAM. Donc, c'est une gigantesque antenne, hein. 30 mètres de diamètre. Voilà, c'est ça. Qui est française et qui est en Espagne, c'est ça? C'est une collaboration, oui. Elle est espagnole-française, enfin, c'est une collaboration. Elle est franco-espagnole, voilà. D'accord. La seconde image, c'est une vue d'artiste, c'est du satellite Herschel. Donc on voit effectivement le satellite, voilà. Là, Herschel. Donc en vue d'artiste. Donc, qui a été lancé. Qui a été lancé, maintenant c'est fini, mais... Bon, il y a quelques années, oui. Oui, puis, bon, maintenant il ne peut plus observer, mais donc... C'est fini, la mission est finie. C'est fini. À droite et en bas, c'est deux illustrations de ce qu'on appelle un interféromètre, donc c'est un ensemble d'antennes uniques. Donc celle qui est à côté d'Herschel, c'est juste peut-être beaucoup, certains d'entre vous en ont entendu parler, c'est ALMA qui est construit dans le désert d'Atacama au Chili. ALMA, donc c'est un ensemble d'antennes qui se trouve dans un désert au Chili. Ouais. Voilà. Et en dessous, c'est l'interféromètre du plateau de Bure qui se trouve à Grenoble. À Grenoble, on a nous aussi un interféromètre beaucoup plus petit que celui d'ALMA. Oui, voilà. Donc à chaque fois, ce sont des antennes radio. Hein. C'est des antennes radio. On écoute ce que l'espace a à nous dire. Voilà. Et en cas, voilà, donc c'est dans 1 mm, 3 mm. D'accord. Et donc comme ça, on réussit à déterminer l'existence de certaines molécules dans l'espace. On en connaît combien des molécules spatiales? À peu près à ce jour, il y a un peu plus de 150 molécules qui ont été détectées. D'accord. Et ça augmente de combien par an? Vous avez une idée ou pas? Avec Herschel, ça a augmenté. Avec Herschel, on a fait des... Tenez, prenez un micro, Michel Vizeau. Ça marche. Herschel, donc c'est une mission de l'ESA qui a fonctionné, mais c'était un satellite très particulier parce qu'il était refroidi. Et il était refroidi avec de l'hélium, et donc il a fonctionné tant qu'il y avait de l'hélium. Donc quand l'hélium s'est arrêté, il s'est réchauffé, et donc il émet tellement lui-même qu'on ne peut pas détecter les choses avec. Donc c'est pour ça que ça s'est arrêté, ça s'arrête quand il n'y a plus d'hélium. Mais avec Herschel, qui était une très très grande mission de l'ESA, il faut dire les choses comme elles sont, hein, qui a ramené des quantités phénoménales de données, il y a pratiquement une armée de post-doctorants et de scientifiques qui vont travailler là-dessus pendant les 10 ans qui viennent, hein, pour vraiment commencer. Et je pense qu'avec des données qui sont actuellement cachées dans Herschel, et tout le travail qu'il va falloir faire au sol pour être capable de les interpréter, parce que... C'est déjà commencé. C'est déjà commencé, bien sûr, mais il y en a encore beaucoup à faire. On va vraiment découvrir, je pense qu'on va facilement, dans les 15 ans qui viennent, on va doubler la quantité de molécules qu'on a découvertes dans l'espace. D'accord. Et alors, Cécile Favre, vous avez découvert, si je puis dire... Juste pour illustrer Herschel, donc ça, c'est une des observations d'Herschel. Alors, c'est ça, c'est l'image un peu noire qu'on va regarder maintenant. Donc, observation d'Herschel. Juste pour... Donc l'image qui est à droite, c'est, si vous regardez le ciel, en plein hiver, on le voit très bien, c'est la constellation d'Orion. On la reconnaît là avec les trois étoiles qui sont les unes à côté des autres. La ceinture, et il y a l'épée et la nébuleuse d'Orion Clémenceau, donc c'est une région de formation d'étoiles, se trouve au milieu de l'épée. Et donc cette source a été une des sources d'observation du satellite Herschel. Et voilà l'émission des raies... typiquement ce qu'on recueille après. Donc à gauche. À gauche, vous avez un exemple de l'émission d'une molécule. L'espèce de montagne. Voilà. Avec c'est l'intensité en fonction. Blanc là. À une fréquence donnée. C'est ce qu'on observe et ça veut dire j'ai trouvé une molécule. Et vous avez trouvé. Et là c'est l'eau en l'occurrence, donc l'eau est importante. L'eau est importante, ouais c'est ça. Et je me souviens qu'il y a une quinzaine d'années, on ne savait pas qu'il y avait autant d'eau dans l'espace. On en a trouvé de l'eau et c'était merveilleux. Cécile Favre, vous avez trouvé une molécule qui est du glycoaldéhyde, c'est glycolaldéhyde. Glycolaldéhyde. Et alors, c'est une belle découverte? Oui, c'est... bah oui. Non, le glycolaldéhyde est un précurseur des sucres. Précurseur des sucres, voilà. C'est-à-dire que pour fabriquer des sucres, et on a compris qu'on avait besoin de sucre. Je vais revenir à ce que disait Michel. On avait besoin de sucre hein, pour fabriquer la vie. Pour l'ARN. Eh bien, il faut créer du glycolaldéhyde. C'est le glycolaldéhyde qui va... C'est une des façons. Il y a d'autres voies chimiques, mais le glycolaldéhyde va permettre, via deux réactions, je ne vais pas les détailler, de former le ribose. Et là, pourquoi c'est si intéressant? Parce qu'il permet la formation du ribose, donc dans le contexte où les molécules ayant permis l'émergence de la vie sur Terre ont été amenées par les petits corps du système solaire de détecter ces molécules dans des régions de formation d'étoiles analogues à notre Soleil, à notre système solaire, c'est important. Parce que c'est ça vraiment votre découverte. On avait déjà trouvé du glycolaldéhyde. Il avait déjà été détecté dans des régions de formation d'étoiles massives. Donc massives, c'est qu'ils vont former des étoiles 6 à 8 fois supérieures à la masse du Soleil. Ouais. Donc et ça ressemblait... C'était génial. Non, c'est bien parce que la chimie est la même. Plus ou moins les rayonnements et voilà. Mais ce qui est important là, c'est là où on a détecté la molécule. C'est dans une région de formation d'étoiles peu massive qui va former vraiment une étoile de masse similaire à notre Soleil. Au Soleil, c'est ça. Et elle est encore... au début de la formation, donc le disque et les planètes ne sont pas encore formés, c'est pas sûr qu'il y aura formation, mais on peut vraiment faire plus d'analogies entre comment nous nous sommes formés et comment cette région se forme. C'est ça qui est important. Caroline Fraissinet, donc biologiste de formation, et vous travaillez sur SAM, donc qui roule actuellement, sur Curiosity, qui est dans Curiosity. Et qui, alors vous essayez avec ça de récupérer de la matière du sol et puis de l'atmosphère de Mars et vous essayez de trouver là aussi de la matière organique. Voilà. Donc en fait, à partir de ce qu'ont expliqué Vassilissa et Cécile, donc on a des formations de molécules organiques dans l'espace qui vont ensuite être intégrées aux petits corps qui vont ensuite s'écraser sur les planètes, former les petits corps, c'est astéroïdes, comètes. Exactement. Qui s'écrasent sur les planètes. Qui vont s'écraser et qui vont participer également à la formation des planètes elles-mêmes. Donc si on part de ce principe, on est censé trouver sur la surface de toutes ces planètes formées, on est censé retrouver ces molécules organiques qui sont formées dans l'espace et qui vont être intégrées sur ces planètes. Donc avec le rover Curiosity et notamment l'instrument SAM, donc Sample Analysis at Mars, qui est le plus gros instrument en fait sur Curiosity, qui représente la moitié de la charge utile scientifique. Qui est de 80 kilos. En fait, le rover fait une tonne, et sur ce rover d'une tonne, il y a 80 kilos d'instrumentation scientifique. L'instrument SAM en fait 40. Ah donc c'est vraiment un gros instrument. C'est un très gros instrument composé en fait de trois sous-instruments, dont un est à forte participation et même de formation française. Et avec cet instrument SAM qui est situé vraiment dans le corps du rover, on va recevoir des échantillons de Mars, des échantillons d'atmosphère. Ils sont récupérés comment ces échantillons ? Les échantillons d'atmosphère sont récupérés en sniffant, en aspirant l'atmosphère par des ouvertures sur le côté. Et les échantillons de sol sont récupérés par le bras articulé du rover et sont ensuite déposés dans un entonnoir sur la partie supérieure de SAM et tombent dans des capsules. Ces capsules sont donc remplies avec une quantité très minime de sol qui est de 40 à 50 milligrammes. C'est tout petit, ouais. C'est vraiment, vraiment très léger. Et en fait, ces 40 milligrammes de sol, on les chauffe. On les chauffe à des très hautes températures jusqu'à 1000 degrés Celsius. Ah oui. Et en fait, en les chauffant, c'est comme la nourriture quand elle sort du frigo, elle sent pas. Et on sent beaucoup moins une nourriture froide qu'une nourriture chaude. À partir du moment où on commence à la chauffer, on commence à sentir les odeurs. En fait, c'est la même chose avec le sol. On le cuit, on le chauffe pour faire ressortir les odeurs. Et donc SAM, en fait, ça va être un nez. C'est un nez très très compliqué. On analyse donc les gaz de combustion. Voilà. Hein. Et qu'est-ce qu'ils vous disent ces gaz ? Et en fait, donc ces gaz sont notamment les molécules organique. Si on a des molécules organiques dans le sol, en chauffant ce sol, on va libérer ces molécules organiques et SAM va pouvoir les analyser. Alors on a compris le principe. Voilà, ce rover, il roule actuellement. Il s'est installé sur Mars le 6 août 2012. En ce moment, il s'est un petit peu arrêté. On a eu d'ailleurs un mardi d'espace consacré à Curiosity l'année dernière. C'était absolument passionnant. Et on en a un en juin, à nouveau. Donc, je vais vous dire exactement la date. C'est le 17 juin, comprendre Mars pour comprendre la Terre. Donc, le 17 juin 2014, comprendre Mars pour comprendre la Terre. Donc, on a compris les principes. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Est-ce que vous avez, effectivement, avec SAM, trouvé de la matière organique? Parce que, jusqu'ici, on n'en a pas vraiment trouvé de la matière organique sur Mars. Donc, en fait, on a rarement cherché, déjà, la matière organique sur Mars. Il y a eu une mission en 1976 qui s'appelait Viking. C'était deux landers, donc c'était pas des rovers dans le sens qu'ils ne roulaient pas, ils se posaient simplement, ils ne bougeaient plus, ils faisaient les analyses sur place. Et en fait, ces deux landers... Atterrisseurs, on dit en français. Atterrisseurs. C'est vrai. Ouais, deux atterrisseurs. donc ces deux atterrisseurs ont recherché la vie sur Mars. Carrément. La vie. En 76, allez, on y allait, on voilà. Y croyait, on se fonce, allez-y. Donc il y a eu trois expériences de recherche de vie avec ces atterrisseurs et une expérience de recherche chimique de molécules organiques. Et donc on a trouvé deux molécules organiques. Ah oui. Avec Viking. Qui étaient donc du chlorométhane et du dichlorométhane, c'est-à-dire des molécules qui sont composées de carbone, d'hydrogène et de chlore. Mais ces molécules ont été attribuées à de la contamination terrestre, puisque le Viking a été nettoyé avec du dichlorométhane avant de... Ah oui, effectivement, oui, d'accord. ...être envoyé, et on pense que ça peut venir de cette contamination. Donc ça n'a jamais été vraiment déterminé d'où provenait le chlorométhane et le dichlorométhane, mais ça a été déterminé... comme étant une contamination terrestre. Et SAM, parce qu'on donc jusqu'à SAM. Jusqu'à Curiosity et SAM. Jusqu'à Curiosity, il n'y a plus de recherche de molécules organiques. D'accord. Donc avec SAM et Curiosity, on ne recherche pas la vie. On recherche une zone potentiellement habitable sur Mars. Ça, c'est l'objectif global de Curiosity. C'est un des objectifs globaux de Curiosity. Et SAM y participe. Vérifier l'habitabilité de la planète Mars. Voilà. Comment Mars a pu être habitable ou est habitable? Comment elle a pu abriter la vie? Mais on ne recherche pas directement la vie. Alors, la matière organique avec SAM, est-ce que vous avez trouvé de la matière organique? Donc, SAM, c'est un instrument vraiment très, très complexe qui ne recherche pas que la matière organique. Donc, il y a eu peu d'expériences avec SAM qui recherchaient la matière organique. Il y a eu beaucoup d'analyses d'atmosphère, d'analyses d'isotopes, donc Et donc, il y a eu quelques expériences sur trois sites différents de recherche de matière organique et de composition chimique du sol. Et donc, ces trois sites, il y a eu un site où du sol a été pelleté. Donc, c'était du sol sableux. Donc, le site s'appelle Rocknest. Et ce site pelleté donc est exposé au rayonnement dont on parlait sur les corps du milieu interstellaire, mais bon, là ce sont les mêmes rayonnements en fait qui vont agir et qui vont éventuellement détruire donc ces matières organiques qui sont très fragiles au rayonnement. Donc les rayonnements sont essentiels pour former la matière organique, mais également va la détruire. C'est de l'énergie, donc l'énergie est nécessaire pour former et l'énergie détruit. Donc sur ce site, on ne s'attendait pas vraiment à trouver de molécules organiques. Et donc il s'avère qu'on a trouvé des chlorométhanes. Donc, on a trouvé de la molécule organique voilà. Sur ce site où on pensait ne pas en trouver. Exactement. Chlorométhane. Chlorométhane, dichlorométhane, trichlorométhane, donc de chloroforme, et du carbone tétrachloride. Ah, quatre, vous avez trouvé quatre donc, alors. Donc c'est quatre, mais ce sont quatre très similaires en fait. D'accord. C'est-à-dire c'est une molécule de carbone et des chlores. Ces molécules, donc le chlore de ces molécules provient de Mars. Donc on a ce qu'on appelle des perchlorates, ce sont des sels qui sont sur Mars et qui sont composés de chlore. Et ces perchlorates, en chauffant les sols, on va les décomposer, donc en HCl, en acide chlorhydrique, et en oxygène. Et donc, HCl va être réactif et le chlore du HCl va pouvoir réagir avec n'importe quelle autre molécule qui va se trouver dans son environnement pour former des molécules chlorées. On pense que c'est ce qui s'est passé avec ces chlorométhanes qu'on a détectés. Donc, c'est-à-dire que le chlore a réagi avec des molécules carbonées pour former les chlorométhanes. Donc, on a bien compris que là, il y en a quatre. On a trouvé quatre molécules, mais en tout, c'est probablement cinq ou six molécules organiques qui auraient été éventuellement trouvées par SAM. Avant qu'on passe aux questions du public dans quelques instants, est-ce qu'on est sûr que c'est pas le signe d'une contamination ou que sais-je, ou est-ce que c'est bien des molécules martiennes? Alors justement, c'est là toute la question. Donc si on est sûr que le chlore de ces molécules provient de Mars, le carbone, en revanche, est vraiment étudié. La provenance du carbone est étudiée. Discutée. Under investigation. Et donc ce carbone, en fait, peut provenir de différentes sources. Il peut provenir de Mars. Et il peut également provenir d'un réactif qu'on a dans SAM qui sert à analyser des molécules beaucoup plus complexes et qui se trouvent enfermées dans des capsules. Et également, on retrouve dans le bruit de fond de SAM. Donc, c'est-à-dire que quand on met rien dans SAM et qu'on chauffe, il y a quand même, on a quand même l'impression de sniffer quand même certaines molécules. Voilà. Donc il y a un bruit de fond, il y a quelque chose, même s'il n'y a rien, voilà. Parce qu'avant de faire une analyse de sol, on fait ce qu'on appelle un blanc, c'est-à-dire exactement la même manip, la même expérience. Et sans rien dedans. Donc on déplace la capsule sous l'entonnoir, on ouvre l'entonnoir, mais on ne verse pas le sol dedans. Et on fait exactement la même expérience et on regarde. Donc, c'est ce qu'on appelle un blanc. C'est ça. Et c'est notre niveau de base. D'accord. Donc, on a trouvé 5 ou 6 molécules organiques, mais il n'est pas impossible. Enfin, on ne sait pas encore quel est le statut de ces molécules organiques. Est-ce qu'elles proviennent vraiment de Mars? On va passer aux questions du public dans quelques instants. Pauvre Sam, tout était si bien au début. Pauvre Sam, maintenant t'es tout seul, t'es foutu. Toute la journée tu sniffes tes chlorométhanos dépendants. Même ton bruit de fond m'inquiète. Je crois que t'as trop fait la fête, pauvre Sam. Pauvre Sam. Il y a un avantage à être enrhumé, c'est que ça vous donne une voix de crooner. Voilà, je viens à vous avec un micro. Monsieur, ici, si vous avez des questions. Allez, on commence. C'est parti de ce côté-là. Oui, je voulais revenir à la photo avec Orion, parce que... C'est la photo noire, là, avec... Oui, voilà, le document avec noir. Donc, on voit Orion. À gauche, on voit le graphique. Avec une courbe montrant H2O avec un pic au milieu. Alors, ce que je ne comprends pas très bien, c'est ce que l'on mesure précisément, parce que je vois une intensité en verticale et horizontalement une vélocité. C'est-à-dire, quel est le principe ou l'idée de la mesure? Pourquoi est-ce qu'il y a de la vélocité? Pourquoi est-ce qu'il y a de la vitesse? Kilomètres par seconde. Alors, vu qu'il y a un négatif et un positif, je suppose que c'est ce qui s'éloigne ou ce qui se rapproche. Mais en quoi le graphique indique la présence de H2O immobile, apparemment, puisqu'il n'y a rien... Non, elle n'est pas immobile. Presque immobile. La vitesse est liée... Enfin, fréquence et vitesse sont les mêmes choses. Et là, vous voyez que la molécule, elle est à 8 km, elle n'est pas immobile, elle se déplace à 8 km par seconde dans le nuage. La molécule se déplace à 8 km par seconde L'échelle de vitesse vous donne à quelle vitesse la molécule se déplace dans le nuage. C'est le petit trait pointillé qui vous aide à le déterminer. Et ce que j'ai lu, c'est que c'est le fait qu'il y ait un déplacement de la, de la molécule dans le nuage qui fait qu'il y a émission radio. Est-ce que j'ai bien compris ça? Je dis une grosse bêtise? On ne sait pas. Très bien. Oui? Non? Vous avez... C'est oui? Ah, bah super. Voilà, j'ai bien lu alors. Qui veut s'exprimer, poser des questions? Alors, vous êtes nombreux là, vous n'avez pas d'excuses pour ne pas avoir de questions là, monsieur? Oui, vous avez parlé de réactions moléculaires. Alors, est-ce qu'il y a aussi des réactions atomiques? C'est-à-dire, est-ce que les neutrons, les protons se baladent aussi dans l'espace? Et quel genre de réaction atomique y a-t-il? Alors, qui voudrait répondre? Je ne sais pas si quelqu'un a écouté la question. Si, moi j'ai... Si, d'accord. Michel Bézou était encore avec nous. Est-ce qu'il y a des réactions atomiques et pas seulement moléculaires? Alors, les réactions atomiques se produisent dans les soleils. Parce qu'il faut une énergie suffisante, et cette énergie, c'est de la chaleur, c'est des... Alors, ça, le fait que le soleil s'effondre sur lui-même fait que ça chauffe. Se contracte. Se contracte. Et donc, on atteint des chaleurs de plusieurs dizaines de milliers de degrés. Donc, ça veut dire une agitation suffisante, une vitesse suffisante pour que, effectivement, les atomes qui sont principalement de l'hydrogène, c'est des noyaux d'hydrogène, donc c'est des protons, se déplacent et commencent à réagir les uns avec les autres. Ils atteignent des vitesses suffisantes pour combattre la répulsion électrique, qui sont ces deux trucs positifs, et rentrer en collision et former les premières molécules d'hélium, etc. C'est comme ça que ça commence. Dans un soleil, on arrive à avoir des réactions qui montent théoriquement jusqu'au fer, pour simplifier, c'est plutôt du carbone. Au-delà, pour produire les éléments qui sont au-delà du fer, plus lourds que le fer, il faut que l'étoile explose et qu'elle devienne une supernova. Donc, tout ce qu'on a sur Terre et tout ce qu'il y a dans le système solaire, ça vient de la supernova précédente, et actuellement dans le Soleil se fabriquent uniquement ces réactions. Donc les éléments les plus lourds viennent de supernova passées. Ils sont au moment de l'explosion de la supernova, c'est le seul moment où il y a suffisamment d'énergie pour que des noyaux fusionnent. Donc, ça c'est ce qui se passe. Mais ça, c'est pas de la chimie. On rentre vraiment dans la physique nucléaire. C'est la base de l'exobiologie, mais c'est la base de la physique et de la chimie telle qu'on la connaît. Par contre, quand on parle de chimie dans des nuages moléculaires à des surfaces, sur des surfaces planétaires, on est dans des énergies qui sont beaucoup moindres. C'est-à-dire qu'on n'est pas, on est dans les rayons X, dans les ultraviolets, dans ce genre d'énergie-là. Alors ça se traduit en électronvolts. Moi, j'ai jamais rien compris dans les échelles électronvolts, mais enfin bon, on est dans quelques kiloélectronvolts pour simplifier. Et donc là, on est dans des réactions qui sont plus purement physico-chimiques. On est hors de la physique nucléaire. C'est pour ça qu'on parle de molécules. Et puis l'exobiologie, elle s'intéresse. Il y a beaucoup de réactions très primaires qui se font entre le carbone et l'oxygène pour faire du CO, du CO2, pour faire éventuellement du CH4, du NH3, des CN, etc. Tout un du cyanure ou des radicaux de ce type-là. Et ça, c'est des réactions qui, bien entendu, nous intéressent, mais qui sont, je dirais, purement minérales, pour simplifier. Pour faire des silicates aussi, SI2O3, ça se forme. C'est des minéraux. La matière organique, elle a besoin d'énergies qui sont généralement plus faibles. Et c'est dans ces nuages, donc pas trop près du soleil, assez loin, etc., qu'elle commence à se faire. Et donc, nous, on commence... Alors, l'exobiologie, elle est transdisciplinaire. Donc, elle intéresse les géologues, les astronomes, etc. Alors, on est un peu les voraces, on mange tout. Mais on essaye de s'arrêter quand même. Il faut qu'il y ait du carbone un peu organisé, de l'eau. Et là, on commence à parler d'exobiologie et de chimie organique. Monsieur. Bonsoir. Vous avez parlé de composés organiques qu'on avait trouvés sur Mars. Est-ce qu'on a regardé aussi dans l'eau qu'il y a sur Mars? Est-ce qu'on a regardé dans l'eau qui se trouve sur Mars? Donc, en fait, on n'a pas d'eau liquide sous forme de lac sur Mars. On analyse des sols. Il s'avère que dans les sols, on a une grande quantité d'eau, mais c'est de l'eau absorbée sur les sols, ou c'est de l'eau de décomposition des minéraux. On ne regarde pas, on peut pas regarder des molécules organiques dans cette eau. On regarde un sol, l'eau est composée, le sol est composé d'eau, peut-être de molécules organiques et de différents minéraux. Donc on n'a pas d'eau sur Mars à analyser directement. Si je me trompe pas, il y a une calotte. Ah, je vous en prie, Michel Vizio, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voulais simplement dire très rapidement que quand on parle d'eau sur Mars, C'est de l'eau, c'est comme dans le gypse. Vous savez, le gypse, c'est ce qui donne le plâtre quand on chauffe. Donc, le gypse, il y a effectivement des molécules d'eau qui sont liées avec, autour des molécules de minéral, hein, de sulfate, de magnésium, si je me rappelle bien. Et donc, quand on chauffe, on enlève cette eau, mais elle n'est jamais liquide et elle ne sert pas de soluté pour dissoudre les choses. Hein, donc, c'est, quand on parle d'eau sur Mars, alors bien, après, il y a les calottes polaires, etc. Il y a les calottes polaires, si je ne me trompe pas, il y en a une des deux qui est surtout composée de glace carbonique, si je ne me trompe pas. Alors, il y a une couche de glace carbonique. Et l'autre qui est plus composée d'eau glacée. Mais évidemment, Curiosity ne s'aventure pas à ces latitudes-là. On ne peut pas atterrir. Curiosity a atterri proche de l'équateur dans un cratère qui s'appelle Gale et va rester dans ce cratère. Une question de monsieur. Est-ce qu'il existe aussi dans l'espace en fait les phénomènes qu'on retrouve sur l'eau, sur Terre, c'est-à-dire les effets Bergeron et de coalition? Les effets Bergeron et les quoi, vous avez dit? Et les effets de coalition. Et les effets de coalition. Je ne sais pas ce que c'est, mais vous allez tout nous dire. Ben non plus, je ne sais pas ce que c'est, l'effet Bergeron, l'effet de coalition. Ah, les effets Bergeron. Excusez-nous, monsieur, on n'a pas invité les bons intervenants, je suis désolé. Non, mais... L'effet Bergeron, en fait, c'est le principe qu'une goutte de pluie a besoin, en fait, d'une particule solide de se placer. L'eau resterait, en fait, en surfusion. Oui, c'est ça. Mais elle aurait besoin, en fait, d'une partie solide pour pouvoir devenir goutte d'eau. Pour qu'il y ait une goutte d'eau, il faut qu'il y ait une petite poussière autour de laquelle l'eau va se condenser. Voilà. Et coalition, c'est qu'à partir du moment où vous avez une petite goutte d'eau qui est en mouvement, elle va se coller, entre guillemets, à une autre goutte d'eau pour devenir de plus en plus grosse, comme on se retrouve en fait avec des grêlons dans un cumulonimbus, par exemple. Dans un cumulonimbus. Heureusement que vous êtes là, monsieur, merci. Alors, ça y est, j'ai compris. Ça y est, c'est bon. J'ai passé à la météo, mais d'accord. Donc, il y a deux choses. L'eau n'est pas liquide. Là, on parle eau en surfusion. Qu'est-ce que ça veut dire, eau en surfusion? Alors, l'eau en surfusion, c'est une eau qui a une température inférieure à la température auquel elle formerait de la glace. Donc, c'est 0 degré, c'est de l'eau pure. C'est moins 1 ou moins 2 pour de l'eau qui n'est pas trop pure. Et donc, elle reste liquide. Et puis, vous pouvez faire l'expérience chez vous, hein, si vous voulez casser des bouteilles en verre. Mais faites-le plutôt dans une bouteille de coca. Vous remplissez une bouteille en plastique vraiment à bord. Vous la mettez au congélateur, vous ne la touchez pas. Si c'est vraiment de l'eau très propre, dans une bouteille extrêmement propre, elle restera liquide. Vous donnez un petit coup dessus et elle se coagule d'un seul coup sous forme de glace. Et ça, c'est une expérience qu'on peut faire effectivement? Alors, vous pouvez la faire chez vous, oui, très facilement. Ah ouais. Généralement, quand je fais dans un collège, je dis ça aux élèves pour qu'ils s'amusent et qu'ils embêtent un peu leurs parents. Mais non, ça marche très bien. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la surfusion. C'est-à-dire que c'est un liquide qui est dans un état qui reste liquide alors que normalement, il devrait être solide. Et donc, c'est ce qui se passe effectivement dans les nuages. Et dès qu'il y a une impureté, une perturbation quelconque, il y a effectivement, ça se condense. Juste à ajouter, c'est également ce qui va former des traces blanches quand les avions vont passer dans des nuages d'eau en surfusion. En fait, la perturbation, c'est l'avion en lui-même et ça va créer une traînée de glace. Une question ici. Alors, dans l'espace, ça ne peut pas se produire parce qu'il n'y a pas de liquide et on n'est que sous des formes... Quand on parle d'eau dans l'espace et dans le milieu interstellaire, c'est des molécules sous forme de... isolées, donc sous forme de gaz, et elles sont avec des pressions qui sont des 10-10 millibars ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment infinitésimal. Donc, il n'y a pas ce phénomène... Ces phénomènes ne peuvent pas se produire. Par contre, effectivement, quand il y a une poussière, c'est ce que fait Vassilissa, et c'est ce que fait Vassilissa, quand il y a une poussière, l'eau va se condenser dessus. La poussière ne va pas l'attirer. Simplement, la poussière, petit à petit, elle va se charger d'eau parce que l'eau, quand elle va la rencontrer, elle va rester absorbée dessus et petit à petit, va se former une épaisseur de glace. C'est juste pour rajouter qu'il n'y a pas d'eau liquide dans le milieu interstellaire. Donc, les gouttelettes, ce n'est pas possible. Voilà, donc, en fait, j'ai une question. Je vais essayer de la poser assez simplement. C'est quand, par exemple, la vie ou l'ADN d'une vie a été congelée? Je sais pas, par exemple sur une planète ou même sur la Terre, est-ce qu'il est possible que cette vie elle revive après des milliers d'années, ou est-ce qu'il est possible que cette vie qui a été congelée se régénère, je sais pas comment dire, d'une certaine façon? Merci. Donc là en fait il faut différencier ADN et vie. Quand vous parlez d'ADN, vous parlez de molécules. Quand vous parlez de vie, on parle déjà d'un système évolué. La vie ne peut pas se conserver plus... La vie ne peut pas être congelée plus de quelques dizaines d'années. Il y a des grenouilles qui peuvent être congelées pendant plusieurs années et quand elles sont décongelées, elles peuvent revivre. Il y a des spores quand même. Il y a des les spores, c'est encore différent. Oui. Les spores et donc les spores, ça va être des comment dire. C'est une forme de résistance. C'est une forme de résistance créée par une vie. C'est pas une vie en elle-même. C'est une forme de résistance créée par une vie et qui, quand les conditions deviennent dures, va se former pour, parce que la vie ne pourrait pas résister justement. Donc elle va former cette spore et cette spore va pouvoir se régénérer quand les conditions redeviennent clémentes. Et par contre, quand vous parlez d'ADN, là on parle de molécules. Et au niveau des molécules, on parle pas de vie, mais on va parler de la préservation des molécules. Et cette préservation, elle peut se faire pendant des millions d'années, voire des milliards d'années, selon la molécule et selon les conditions. Et ça, c'est une question qui est très très intéressante par rapport à Mars et à la recherche de molécules organiques sur Mars et à pourquoi on n'a pas une variété de molécules organiques comme on s'attend à trouver sur Mars. Et ça peut être dû justement à la dégradation des molécules organiques par différents processus qui peuvent être dus à des rayonnements cosmiques, à des rayonnements ultraviolets, qui peuvent être dus à de l'oxydation. Vous savez que Mars est rouge parce qu'elle est oxydée. Et, c'est de la rouille en fait, hein. Ce rouge, c'est de la rouille. Ça peut être de la rouille. On a du fer et on peut avoir des oxydes de fer, donc on a des oxydes de fer. Et on a également les perchlorates, donc ces fameuses molécules chlorées qui sont très oxydantes et qui vont détruire la matière organique. Donc le fait de ne pas trouver de molécules organiques peut être dû à une destruction des molécules organiques. Et justement, si on a choisi le cratère Gale pour atterrir, c'est parce que ce cratère est composé d'argile, notamment, ce qu'on a vu par des observations à distance avant d'atterrir. Et l'argile est un très bon lieu de préservation des molécules organiques. Donc c'est pour ça, entre autres, que a été choisi le cratère Gale. Donc c'est vraiment une très intéressante question sur préservation des molécules organiques et préservation de la vie. Il faut vraiment différencier ces deux choses. Merci Xavier. Bon, moi, je voulais résumer quand même ce qu'elle a dit. Monsieur Abizo. Hein, parce qu'en fait, l'argile est une molécule organique, ce qu'est la Suisse à l'argent sale. Alors, attends, on va recommencer là. L'argile est à la molécule organique. Non, l'argile est aux molécules organiques. Ce que la Suisse est à l'argent sale. Voilà, c'est un endroit sûr. Un endroit sûr, d'accord. j'ai compris. C'est l'argent sale des Français, dit madame. Je vois bien que vous... Attention, vous touchez des susceptibilités, là. On a Sébastien qui est avec nous, et Sébastien est l'un de nos tweetos qui raconte qui fait un live tweet et qui donc raconte... La soirée d'aujourd'hui sur Twitter. Et on a une question, Sébastien, sur Twitter. Tout à fait, une question de Maximilien qui nous demande combien de tests il reste à faire pour déterminer si le carbone détecté par Curiosity sur Mars est réellement martien ou pas. Ah oui, quand est-ce qu'on va le savoir là? Alors, quand est-ce qu'on va le savoir? C'est impossible à répondre à cette question. En fait, on a fait sur les échantillons solides, on a fait 14 expériences jusqu'à présent sur 3 sites différents. Et au fur et à mesure des expériences, on va avoir des éléments nouveaux qui vont nous permettre de répondre à des questions qui vont nous amener au final à la réponse de savoir d'où provient ce carbone. Donc c'est pas on a une expérience et on va directement avoir la réponse, est-ce que le carbone est organique ou est-ce que le carbone est martien ou est-ce que le carbone est terrestre. Donc c'est vraiment un enchaînement d'expériences. Et ce qui est très bien avec Sam, c'est que Sam est très flexible et on peut vraiment adapter les expériences qu'on veut faire. Donc on adapte les expériences, on en crée des nouvelles, on change les paramètres et au fur et à mesure, on répond à des questions qui vont nous mener à la réponse finale de est-ce que le carbone est martien ou est-ce que le carbone est terrestre. Donc on peut pas dire combien de temps parce que ça dépend des résultats. En fait, c'est ce qu'on appelle une mission qui est alors comment on dit en français ? Alors en anglais, comment est-ce qu'on dit ? On dit qu'elle est scientifically driven. Donc, scientifically driven, donc ça veut dire qu'elle est conduite par des objectifs en fait. Scientifiques. Voilà, c'est en fonction des résultats. Ouais. Ah oui. En fonction des résultats, on va déterminer l'expérience suivante. Donc en fait, on peut pas savoir d'avance quelle sera l'expérience qui sera faite dans un mois, par exemple. On saura la prochaine, et en fonction des résultats de la prochaine, on déterminera les conditions pour faire la suivante, etc., etc. D'autant que là en ce moment, il y a plus tellement d'expériences. Curiosity roule. Curiosity oui. a fait 2 kilomètres. Curiosity fonce vers le mont Sharp, oui, qui mais... est sa destination finale. Voilà, mais en fait, donc Curiosity roule, donc on est passé en mode pilotage automatique d'ailleurs, et donc Curiosity roule le jour, et Curiosity peut faire des expériences au fur et à mesure, et notamment les week-ends, on a des planifications de 3 jours, où en fait on lance une expérience qui va être réalisée pendant 3 jours durant le week-end, et au bout de 3 jours, on reprend le roulage, etc., etc. Sur Mars, oui, excusez-moi, il n'y a pas les 35 heures, on travaille même le week-end. Ah oui, week-end, jour férié, nuit, jour. Alors là, d'autres interventions. Alors moi, j'ai peut-être une question à propos de l'expérience de Stanley Miller. Peut-être que c'est pour Vassilissa Vinogradov, je suppose. C'était quoi ? C'était dans les années 50 ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé quelque chose avec Stanley Miller, quelque chose qui a été... ça a ouvert toute une nouvelle fenêtre, hein, Vassilissa Vinogradov. C'était quoi cette expérience de Stanley Miller ? Alors en fait, Stanley Miller a essayé de reproduire la composition de l'atmosphère primitive. Terrestre. Terrestre, tout à fait. Et pour essayer de déterminer si, à partir de cette atmosphère primitive, on pouvait former des molécules organiques comme des acides aminés. Et là, on est quoi ? On est dans les années 50, c'est ça ? Oui. 52, dit Michel Vézou. Ouais. Et donc, en fait, il a donc fait un réacteur. Dans lequel il a mis les composés majoritaires de l'atmosphère primitive qu'on connaissait à l'époque. Donc c'est quelque chose qui ressemble à votre expérience finalement. Dans le sens où on a une cuve, si je puis dire, oui. et on essaye de reproduire des conditions qui prévalent voilà. à oui. une époque et dans un lieu donné. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Donc il a mis donc ces molécules donc à température ambiante dans une cuve fermée, isolée, et il a envoyé de l'énergie sur cette matière gazeuse. Donc des en fait, il a fait un éclair. Des arcs électriques, quoi. Voilà. Des éclairs. Il envoie des éclairs. Il ouais. se dit, voilà, dans l'atmosphère primitive, il y avait ci, il y avait ça, voilà. et il y avait des éclairs. Alors qu'est-ce qui se passe ? Il y avait des éclairs parce que, bon, la ouais. Terre était encore un peu agitée. Ouais. Donc il reproduit l'atmosphère en primitive. Voilà, tout à fait. Et il a détecté qu'on formait, alors je ne sais pas exactement le nom, mais il a détecté un certain nombre d'acides aminés comme la glycine, l'alanine, je ne sais pas le nom si vous savez. C'est déjà pas mal. Voilà. Bon, d'accord. Et donc, des acides aminés qui sont des composants importants. Voilà, les acides aminés étaient des composants importants de la vie. Ce n'est pas la vie, mais c'est des composants importants pour former la vie, du moins la vie qu'on connaît sur Terre. Mais Michel Vézou, j'ai cru comprendre que, bon, évidemment, cette expérience, elle a ouvert une nouvelle fenêtre, là, parce qu'on a vu qu'on énorme. Pouvait créer des expériences, etc., dans ce domaine-là. Mais, Michel Vézou, on s'est aperçu ensuite que l'atmosphère terrestre primitive, telle que Stanley Miller la concevait, en fait, c'était pas la bonne. Elle ressemblait pas à ça, à une époque primitive, l'atmosphère terrestre. Est-ce que c'est un problème ou pas? Alors, bon, on y a survécu, hein, la preuve, mais... On a survécu à quoi, on y a survécu. Vous, les chercheurs, à cette erreur, si je peux dire. Alors, l'expérience de Stanley Miller, c'est l'expérience fondatrice de l'astrobiologie. Voilà. Et c'est un départ expérimental un départ expérimental, disons, de la recherche de l'origine de la vie sur Terre. Pour ça, il s'est fondé sur une atmosphère telle qu'elle avait été décrite par un physicien, un chimiste russe, qui s'appelle Oparin, Alexandre Oparin, qui avait émis cette hypothèse parce que, dans la conception que l'on avait à l'époque de la formation des planètes, c'était logique que ça soit une atmosphère de ce type-là. Actuellement, on pense que l'atmosphère était différente et qu'elle était plutôt composée de CO2, hein, de gaz carbonique. Hein. Alors, j'ai laissé passer les vrais scientifiques. En fait, l'atmosphère actuelle est oxydante et l'atmosphère... Ah, c'est l'atmosphère actuelle qu'on connaît actuellement, sur Terre actuellement. Ouais. Voilà, et avec laquelle Stanley Miller a fait ses expériences. Donc, c'était une atmosphère oxydante. Donc, défavorable à la vie. Donc, assez défavorable à la vie, mais finalement favorable à la formation d'acides aminés sous effet d'éclairs. Et il avait également de la vapeur d'eau dans son expérience, très importante. Et en fait, donc l'atmosphère de l'époque était plutôt réductrice. Les expériences de Stanley Miller ont été refaites plus récemment avec l'atmosphère qu'on pense maintenant être l'atmosphère primitive de la Terre. Alors, qu'est-ce qu'on obtient ? Ça marche beaucoup moins bien. Ah zut alors, ça marche moins bien. Ça marche un peu quand même. Bon. Ça marche beaucoup moins bien que l'expérience de Stanley Miller. Donc on arrive à former des briques de la vie en simulant l'atmosphère primitive. Ben c'est toute la question quand on se pose, pour revenir au thème de la soirée, est-ce que les briques de la vie viennent de l'espace ? Alors, c'est possible. Mais il y a d'autres endroits où ça peut se produire. Comme quoi ? Comme, effectivement, donc, l'atmosphère. Mais aussi, il ne faut pas voir l'atmosphère d'une façon homogène. L'atmosphère, c'est quand même des couches différentes, avec des chimies très différentes, avec des apports d'énergie très différents, des ultraviolets dans la très haute atmosphère, des phénomènes électriques qu'on connaît même actuellement, comme ce qu'on appelle les sprites, les elfes, qui se produisent entre 60 et 80 km. Ça, ce sont des phénomènes qu'on commence juste à investiguer actuellement. On les investigue. Là, on va faire le satellite Terranis qui va les investiguer sur le plan physique et sur le plan physico-chimique. Satellite français. C'est un satellite français qui va être lancé par le CNES en 2017, si je ne me rappelle bien. Je n'ai pas la date exacte en tête, mais bon, c'est vraiment de la météo. Mais par contre, on sait qu'il y a des phénomènes chimiques extrêmement importants qui se produisent à ce niveau-là. Et ces phénomènes chimiques, comme ce qui se produit par exemple dans la très haute atmosphère de Titan, ben petit à petit, ça fait des molécules. Titan, c'est une lune de Saturne. Hein, donc il y a une atmosphère encore plus grande, mais on sait qu'il y a une chimie très riche qui se produit et que petit à petit, ces produits se retrouvent condensés dans des gouttes d'eau, soit dans des gouttelettes elles-mêmes, et puis, ou sur des poussières, et ça redescend forcément à la surface, ouais. Et tant que ça peut se produire. Donc, deuxième source de production de matière complexe, je dirais même organique complexe, mais au moins de matière complexe, c'est déjà cette très haute atmosphère avec d'une part les ultraviolets, d'autre part des phénomènes électrochimiques ou de type éclair qui se produisent. Troisième endroit, alors là, il faut avoir un océan, il faut avoir un volcanisme, c'est ce qu'on appelle donc tous les phénomènes hydrothermaux que l'on voit au fond des océans, parce que c'est là qu'on en parle le plus, mais ça se produit aussi à Monnetier-les-Bains. Hein. Je veux dire, il y a des sources chaudes et il se produit exactement le même genre de phénomène. Dans les sources chaudes, il peut se produire des choses Des sources chaudes, il y a forcément un endroit où ça chauffe, avec de l'eau, des sels en solution, du carbone, donc il peut se produire ce qui se produit un peu partout. Alors comme c'est moins évident, c'est moins spectaculaire, on en parle moins, mais c'est des choses qui existent aussi. Et par contre, donc l'avantage de ces sources hydrothermales, c'est que donc cette fois l'apport d'énergie, c'est de l'apport de chaleur qui va produire les molécules. Et l'avantage de ces sources dans les océans, c'est que les molécules peuvent être produites par cet apport de chaleur extrême. Donc l'énergie est apportée pour former les molécules. Et donc comme je disais, l'énergie va aussi détruire les molécules. Sauf que là, dans les sources hydrothermales, les molécules vont aller dans l'eau froide directement à côté et vont être stabilisées. Donc c'est vraiment une bonne hypothèse également pour la formation des premières molécules organiques. Une intervention de monsieur. Alors, bonsoir. Il y a eu, il y a quelque temps, une supposition qui pouvait être que ça venait carrément de météorites ou de comètes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, elles se battent. Elles se battent. Alors, qui se bat ? Qui se bat ? C'est entre Vasilissa et Caroline ? Bon, en fait, donc ça a rejoint la première hypothèse que ça vient de l'espace, c'est formé dans le milieu interstellaire et amené sur les différentes planètes qui sont à ce moment-là des milieux favorables pour recevoir et ces molécules et développer une vie, mais c'est la première hypothèse de formation du milieu interstellaire. Donc c'est la première hypothèse. Hein. Donc effectivement, ces espèces, ces grains, etc., les molécules qui sont formées dans le milieu interstellaire peuvent arriver sur les planètes via les comètes et les astéroïdes. Alors Cécile Favre, là, qu'on n'a pas beaucoup entendu. Juste. Ce qu'il faut se dire, c'est que la formation des planètes et des comètes intervient vraiment dans les dernières étapes de la formation stellaire, et les molécules ont déjà été créées avant. Et donc les comètes se forment loin de l'étoile, donc c'est pour ça qu'elles seront leur surface est glacée, les molécules sont glacées sur les comètes à ce niveau-là. Juste pour rajouter, en fait, l'origine des molécules organiques, on ne peut pas vraiment, à l'heure d'aujourd'hui, déterminer quel a été l'apport principal. On a vraiment un apport à la fois exogène et à la fois endogène, ça veut dire donc exogène par les comètes, les météorites, et endogène propre donc à ce qui s'est passé sur Terre, dans les sources hydrothermales, dans l'atmosphère, ce genre de choses. Et donc également pour confirmer cette hypothèse que la molécule organique, des molécules organiques viendraient de l'espace, donc on a vraiment une grande variété de météorites qui s'écrasent sur Terre. Et sur ces météorites, on détecte des centaines de molécules organiques différentes, des acides aminés, des acides carboxyliques. Donc vraiment, toutes les bases de la vie, sans que ce soit de la vie, parce que les molécules organiques n'est pas directement associées à la vie. Mais sur les météorites, on détecte vraiment une quantité, une variété de molécules organiques impressionnantes. Donc les molécules organiques viennent de l'espace pour sûr. Et pour partie. Pour partie ou pour tout. D'accord. Alors, rassurez-vous, il y a toujours des molécules qui nous arrivent de l'espace. Encore aujourd'hui. Alors, il y a des poussières, il y a des calculs divers et variés, mais on reçoit à peu près 40 000 tonnes de poussière par an sur Terre. De poussière qui viennent interplanétaires, puisque quand on est dans un système solaire, la poussière, elle est interplanétaire. Elle se trouve entre planètes, quelle que soit l'origine, qu'elle soit formée par l'interaction vraiment interplanétaire ou qu'elle vienne du milieu interstellaire. Et disons que ces poussières-là, on en reçoit à peu près, suivant les estimations, entre 20 000 et 40 000 tonnes. Ça fait quand même 1040 tonnes. Hein. Ça fait quand même une grosse file par an. Hein. Ça fait une grosse file de camions quand même. Hein. 1040 tonnes par an. Il y a 40 000 tonnes de poussière par an qui tombent sur Terre. 1040 tonnes. 1000 camions de 40 tonnes. 1000 camions de 40 tonnes, j'ai compris. 1000 camions de 40 tonnes qui tombent tous les ans. Donc en milliards d'années, ça fait quand même beaucoup de camions. Hein. Et dans cette poussière, on estime, alors il y en a qui sont ultra carbonés, il y en a qui sont un peu moins, mais on estime grosso modo la moyenne, c'est à peu près 10% de matière carbonée, matière organique ou matière carbonée graphitique. Mais ça fait quand même beaucoup, beaucoup de carbone. Hein. Ça fait quand même une grosse épaisseur. Et on en reçoit. Alors c'est pour ça que les météorites sont très spectaculaires. C'est très gros, mais c'est quand même très rare. La quantité en masse de météorites qui tombent est très faible. Et en plus de ça, quand c'est un caillou, même s'il tombe dans l'eau, ça fait qu'un caillou dans l'eau. Un caillou, ça met longtemps à se dissoudre quand même. Ça finit par se dissoudre. Par contre, la poussière met immédiatement des matières organiques à disposition, je dirais, de l'écosystème ou du système qui existe autour de lui. Et donc, c'est pour ça que l'hypothèse des briques de la vie qui viendraient de l'espace est consolidée, je dirais, non pas seulement parce que c'est des gros morceaux qui tombent et qui sont très rares, mais surtout parce qu'il y a énormément de poussière qui vient et qui traverse lentement l'atmosphère sans être complètement brûlé. Ce ne sont pas que des étoiles filantes. Il y a beaucoup de poussière qui ne donne pas lieu à des phénomènes d'étoiles filantes et donc qui viennent se rendre en contact avec le milieu aqueux d'une façon générale, que ce soit les océans, les rivières, les lacs ou les glaces. Alors, d'autres interventions ? Ici, à qui est-ce que je passe le micro ? Chère mademoiselle, on vous écoute. Alors bonsoir, et j'avais cru entendre tout à l'heure que vous aviez parlé de Mars et que pour la mission SAM, on recherchait la possibilité de zones habitables, sauf que d'après ce que j'ai retenu, il me semblait que Mars avait une faible activité radioactive au niveau du noyau et les températures pouvaient tomber très bas. Donc c'était pour savoir si on s'attendait à ce que ce soit des types de bactéries terrestres et s'il était possible qu'il y ait tous les éléments... D'accord. Alors, en fait, le Mars dont tu parles, c'est le Mars d'aujourd'hui. Mais le Mars d'il y a 4 milliards d'années, c'est-à-dire à l'époque où la vie est apparue sur Terre, c'était similaire à la Terre. Les conditions étaient similaires. Mars avait une atmosphère dense, comme la Terre, la même composition ou similaire. et Mars avait une activité volcanique, Mars avait un apport d'énergie, Mars avait des apports météoritiques. Donc Mars, en fait, à l'époque de la formation de la vie sur Terre, il y a à peu près 4 milliards d'années, Mars avait les mêmes conditions que la vie, que la Terre. Donc, puisque la Terre a été un berceau de la vie et qu'elle avait vraiment les conditions, donc on sait aujourd'hui que puisque on est là aujourd'hui, on sait que à cette époque, donc la Terre avait les conditions favorables au développement de la vie, puisque Mars était similaire à la Terre, Mars avait les mêmes conditions favorables à la vie à cette époque. Seulement, Mars est deux fois plus petite que la Terre. Mars a perdu son atmosphère, puisque donc l'atmosphère, elle est retenue par la gravité sur la Terre. Donc la même gravité qui fait que on marche sur nos pieds et que les pommes tombent. Et vu que Mars était Mars est deux fois plus petite que la Terre, donc Mars n'a pas su retenir son atmosphère par la gravité. L'atmosphère s'est échappée. Donc d'ailleurs, avec Sam, on mesure l'échappement de l'atmosphère par les mesures isotopiques d'argon. Et donc par l'échappement de l'atmosphère, donc Mars a perdu son s'est échappé dans l'espace. Voilà. C'est un problème dans le sens où donc Mars a perdu son effet de serre. Et Mars ayant perdu son effet de serre, Mars a gelé. Et en gelant, les conditions de la vie n'étaient plus favorables. Donc, soit la vie est apparue avant. S'il y avait des argiles, elles ont gelé. Voilà. Donc, soit la vie est apparue avant sur Terre et a gelé en même temps que Mars. Soit on peut penser à certaines niches en profondeur qui seraient plus chaudes, avec une possibilité d'eau liquide, parce qu'en fait, en perdant son atmosphère, Mars a perdu sa pression également, et en perdant la pression, l'eau liquide ne peut pas exister à la surface de Mars. L'eau est soit solide, soit elle sublime directement en gaz, mais l'eau liquide à la surface de Mars n'existe pas. Donc Mars, en perdant son atmosphère, elle a perdu son habitabilité, en fait. Et la surface, en tout cas. Et donc, ce qu'on cherche avec MSL, c'est l'habitabilité passée de Mars et l'habitabilité présente en subsurface de Mars, donc c'est-à-dire sous la surface. Il est pas impossible qu'il y ait des niches sous la surface de Mars où il y ait de l'eau liquide, où la vie a pu continuer à se développer depuis son apparition il y a 4 milliards d'années jusqu'à aujourd'hui. Donc possible qu'aujourd'hui encore, on ait des sortes de bactéries, des micro-organismes vivants. Voilà, c'est pas impossible. Mais dans les profondeurs de Mars. Voilà. En surface, c'est impossible. C'est balayé par les rayonnements ultraviolets, par la couche d'oxydation, par l'absence d'eau liquide. Mais en subsurface, donc sous la surface, c'est pas impossible. Et dans le cas où la vie n'a pas survécu mais est apparue sur Mars, on rechercherait aujourd'hui des traces des molécules organiques qui auraient pu survivre pendant 4 milliards d'années. Et donc c'est pour ça qu'on recherche les molécules organiques et qu'on est tant intéressé par ces molécules. Et dans le cas où Mars n'a jamais abrité la vie, en fait là c'est une hypothèse négative, on ne saura jamais. Que le grand cric me croque ou que le trac me bloque, que j'en craque mon froc, que je sois à jeter. Si tout ce bric-à-brac, si ce joli micmac plein de vie et de frac a sente vérité, n'a pas reçu d'en haut, juste à l'instant zéro, une étincelle, c'est beau, qu'on soit déiste ou athée. Le rubis cube géant, le gros Tetris vivant, le paquet de briques mouvant, on le doit à E.T. Merci E.T. C'est E.T. qui a fabriqué le grand Rubik's Cube universel. Hein, c'est ça? D'accord. C'est ce qu'on voit dans le film de ici, non? Ben oui, c'est ça, bien sûr, bien sûr. Une question, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Juste, on entend parler depuis quelques années de plus en plus d'exoplanètes. Je voulais savoir ce que vous aviez éventuellement peut-être à nous dire sur des éventuelles possibilités d'exobiologie sur ces exoplanètes. Est-ce que vous attendez à éventuellement trouver dans les années à venir? Vassilissa Vinogradov. Bon, c'est pas exactement le mot des mêmes, mais à l'heure d'aujourd'hui, on a passé les 1000 exoplanètes détectées. On l'a passé il y a quelques semaines, je crois. Et donc on détecte de nombreuses planètes et de nombreuses planètes différentes avec des masses complètement différentes de l'ordre de 2 masses terrestres jusqu'à des cinquantaines de masses Jupiter. Donc là on est déjà au-dessus. Et question exobiologique. En fait, à l'heure actuelle, on est un peu limité par nos moyens de détection, c'est-à-dire que on détecte les planètes, ça, il n'y a pas de problème. Après, on a encore des petits soucis pour connaître l'atmosphère, en fait, la composition de l'atmosphère de ces planètes, qui pourraient donc des planètes qui sont de la taille de la Terre, en fait, ou approximativement. Et donc, on ne peut pas encore exactement connaître cette composition de l'atmosphère, et donc on peut pas par la suite déduire si on a potentiellement de la vie sur ce type de planète. Donc question exobiologie, pour l'instant on est un peu bloqué pour les exoplanètes, je dirais. Mais ça va venir. Hein. Ah, ça va venir, oui, c'est sûr. Les moyens se développent. Hein. On a commencé déjà, on a réussi déjà l'analyse de certaines certaines atmosphères d'exoplanètes. Oui, enfin, oui. On était capable de dire, bah là, il y a telle molécule sur telle exoplanète. Voilà, c'est pas quoi Cécile Favre, allez-y, je vous en prie, Cécile Favre, allez, à vous. Il y a peut-être juste quelques molécules, mais c'est tellement loin, voilà. Et c'est tellement... On a pu analyser quelques molécules, hein. Oui, mais ouais. Voilà, enfin, il va falloir quand même un bout de temps. Je veux dire, c'est le début. C'est le début, oui. Ah, c'est le début, il faut commencer par quelque chose. Dans les exoplanètes, il y a beaucoup de choses. C'est un Graal. C'est tout le monde, un Graal, on recherche cette exoplanète sur laquelle il y aura enfin quelqu'un qui nous verra un grand signe avec un mouchoir blanc disant « Coucou, je suis là !» Non, on n'en est pas là. Les exoplanètes, pour l'instant, nos moyens techniques ne permettent donc de détecter que des planètes qui sont soit relativement proches de leur Soleil, soit vraiment très très massives, et souvent elles sont à la fois très massives et très proches de leur Soleil. Donc elles ne sont pas compatibles avec ce qu'on appelle la vie. Ça ne ressemble pas à la Terre. Elles sont très chaudes parce qu'elles sont très proches de l'étoile. Elles sont chaudes ou elles sont gazeuses. Et elles sont gazeuses. Elles ne sont pas gazeuses. Bon, l'hélium, l'hydrogène, on voit mal comment ça peut évoluer pour faire... Des planètes composées de gaz. Donc, actuellement, mais on commence à s'améliorer. Les systèmes, les moyens, Corot, donc mission du CNES, Kepler, mission de la NASA, ont amélioré les choses. Il y a plein de choses qui vont arriver dans les prochaines années avec Gaïa, donc qui va être lancée par l'Agence spatiale européenne... en janvier. Donc on va avoir des évolutions. Pour simplifier et pour résumer, dans les exoplanètes, pour qu'une planète puisse avoir un intérêt exobiologique, il faut d'abord qu'elle soit ce qu'on appelle dans la zone habitable. C'est-à-dire dans une zone où, grosso modo, c'est autour d'un soleil, qu'on ne connaît pas, mais un soleil qu'on est capable de caractériser, et autour, on est capable de déterminer la zone dans laquelle, si on mettait la Terre, elle aurait de l'eau liquide. C'est-à-dire que si on se rapproche trop, tout serait sous forme de vapeur. Si on s'éloigne trop, tout sera sous forme de glace. Et on a besoin d'eau liquide pour former la vie. On pense que pour qu'il y ait de la vie, il faut de l'eau liquide. Et pour que je puisse détecter éventuellement de la vie, il faut que ce soit de la vie en surface. Donc il faut qu'il y ait de l'eau liquide en surface. Deuxièmement, il faut qu'il y ait une atmosphère. Pour qu'il y ait de l'eau liquide, il faut qu'il y ait une atmosphère suffisante pour qu'on puisse la maintenir liquide. Pour la température, etc. Donc la zone habitable, c'est ça. Et là, il faut que j'ai une atmosphère. Actuellement, on n'est pas capable d'analyser ces atmosphères. Et la troisième chose... L'atmosphère des exoplanètes. L'atmosphère des exoplanètes. Sont très lointaines. Pour pouvoir détecter une trace éventuelle de vie dans une atmosphère d'exoplanète, il faut que cette vie est modifiée de façon directe, univoque, incontestable, cette atmosphère. Comme par exemple... ces bactéries stupides, qui étaient des cyanobactéries, qui ont fait de l'oxygène. À l'origine de la Terre. Pas à l'origine de la vie de la Terre, à l'origine de la vie supérieure des plantes, des animaux, etc. Oui, oui, absolument. La vie et de l'atmosphère oxydante. Si on a c'était une atmosphère de CO2, et on a des bactéries qui ont craché de l'oxygène, voilà. Du coup on a une atmosphère d'oxygène. Elles se sont tuées, c'était elles un suicide. Elles se sont tuées, d'accord. Voilà. Mais il y a toujours des bactéries anaérobies sur Terre, il y a énormément, 90% probablement de la biomasse sur Terre, de la biomasse bactérienne, sont des bactéries anaérobies. Anaérobies, ça veut dire... C'est-à-dire que c'est des bactéries qui utilisent du CO2 et qui ne recrachent pas d'oxygène. Qui ne recrachent pas d'oxygène. Qui recrachent de l'oxygène. Pas toutes. Il y a des anaérobies strictes qui ne recrachent pas d'oxygène. Elles l'utilisent, elles l'intègrent, elles le font de façon différente, elles le mettent sous forme de nitrates ou de choses diverses, etc. Donc, elles ne recrachent pas tout de l'oxygène. Donc, il faut qu'il y ait eu une modification importante de cette atmosphère. Donc ça, c'est les trois conditions locales. Après, il faut qu'il y ait une condition géométrique. Il faut que je puisse détecter et mesurer cette atmosphère. Si je veux détecter la vie. Si je veux détecter l'espoir de voir quelque chose. Qu'est-ce que je vais chercher ? Je vais chercher donc des traces d'oxygène, pour simplifier. Donc des traces d'oxygène comme qui auraient été laissées par des exocyanobactéries. Encore faut-il qu'il y ait suffisamment d'ultraviolet pour que cet oxygène se transforme en ozone, parce que l'oxygène, je ne peux pas la détecter en infrarouge. L'oxygène n'a pas, la molécule O2 est parfaitement symétrique, donc elle n'a pas de signature dans la lumière que je veux analyser. Et c'est son sous-produit, l'ozone, qui a effectivement une signature. Donc si je vois de l'ozone dans l'atmosphère d'une exoplanète, ça peut être le signe de la présence de exocyanobactéries. Si je vois de l'ozone, peut-être un petit peu de gaz carbonique, probablement de la vapeur d'eau et si possible du méthane. Là, ça sent bon, là. Là, ça sniffe bon, là, ça sniffe bon. On sent qu'on se rapproche de quelque chose d'intéressant. Bien entendu, actuellement, les instruments capables de faire ces mesures à des distances astronomiques au vrai sens du terme, puisqu'on est dans 30, 50, 100, 150 années-lumière, peut-être 300 années-lumière. Une année-lumière, c'est la distance que parcourt la lumière en un an. Voilà. La lumière allant à 300 000 km/s. 300 000 km/s multiplié par 81 400 multiplié par 365,25. Je vous laisse faire le calcul. Pas mal. Donc c'est très loin, quoi. C'est très loin. Donc ça fait beaucoup. Et donc, en sachant que on ne verra cette atmosphère que si par hasard la planète passe devant son soleil, et donc que je peux voir le petit fifrelin de modification du spectre, parce que il faut que pour détecter une atmosphère, il faut que la planète, l'exoplanète, passe entre le soleil et moi-même. Voilà. Et je verrai le spectre du soleil sans la planète. Et si il y a suffisamment d'atmosphère et qu'elle est assez grosse, ce spectre, quand la planète passera devant, modifiera légèrement le spectre du Soleil, et je verrai des bandes peut-être légèrement modifiées, et là, ce qu'on appelait des raies. Hein. Des raies. Et en sachant que, bon, c'est vraiment, c'est fait trouver le numéro de la plaque d'identité du moustique qui passe devant un phare. Hein. C'est à peu près ça. Hein. Ah, je ne connaissais pas celle-là. Non, mais ça demande une précision qui est de l'ordre du 1 dix millième, 1 cent millième, 1 millionième de l'émission propre de l'étoile. Donc, je veux dire, les instruments, il faut voir que derrière, il faut qu'il y ait une technologie qu'actuellement, on ne sait pas développer. Actuellement, on arrive à peu près, disons, à détecter un 10 millième, un 100 millième de la lumière. Voilà, dans combien de temps est-ce qu'on va pouvoir analyser de façon un peu... Bah, écoutez, je vais faire la quête après, on va mettre de l'argent, et on va combien je récolte, et en fonction... C'est une question de budget, mais c'est une question de temps. Il y a aussi des réalités qui font que, actuellement, les moyens technologiques n'existent pas parce qu'il faut progresser dans des domaines extrêmement divers. Alors là, on va faire du vrai spatial. C'est-à-dire que il n'y a pas que le détecteur. Si j'ai un détecteur extrêmement sensible, il faut que j'ai une source d'alimentation électrique extrêmement stable. Et on ne sait pas les faire. C'est des stabilités, c'est au 10 milliardième de volt. On ne sait pas faire ça. Et il faut que ça marche, etc. Donc, on est dans une chaîne technique. Alors technologique si on veut faire un peu savant, mais technique tout simplement, d'ingénierie, avec des choses qui vont être développées, découvertes, fabriquées par le génie humain, l'invention humaine, dans les 10 ou 20 ans qui viennent. Et grâce au CNES en partie. Le CNES a un petit rôle, pas négligeable, mais un petit rôle. Allez, il nous reste un quart d'heure ensemble. C'est le moment, hein, si vous avez des questions, des interventions, des avis, des commentaires, n'hésitez pas. Bonsoir. En fait, je ne sais pas si j'ai tout compris, mais au début, vous avez parlé de... Ah bah c'est dense, hein, c'est sûr. De phosphates indispensables à la vie. Absolument. Est-ce que vous cherchez aussi les phosphates en interstellaire ou sur Mars également ? Question phosphate. Dans le milieu interstellaire, oui, mais c'est pas les molécules cibles pour le moment. Mais on cherche plutôt... Parce qu'en fait, on n'a pas un grand filet pour voir tout ce qu'on cherche. On cherche des molécules particulières. Hein. Dans une bande de fréquences données. Donc, il faut que la molécule émette et il faut que... on connaît pas tout, hein, on connaît pas toutes les molécules, et c'est un travail en collaboration avec des spectroscopistes, donc des fois les fréquences on les a pas. Et les molécules qu'on cherche à l'heure actuelle, c'est plutôt des molécules qui sont complexes, et des molécules briques ou précurseurs qui vont former des molécules biologiques telles que la glycine. D'accord. Donc c'est pas du phosphate. Donc c'est pas le phosphate. Mais pourquoi pas ? Donc contrairement à ça, en fait, sur Mars, et notamment avec Sam, on ne recherche pas des molécules spécifiques, mais on regarde ce qu'on a et on analyse ce qu'on a. Donc en fait, on va pouvoir éventuellement trouver des molécules phosphatées. Seulement, les molécules phosphates vont être plus complexes, plus lourdes et donc plus difficiles à analyser. Et donc avec Sam, on a une expérience qu'on n'a pas encore utilisée, qui est une expérience de réaction chimique qui va nous permettre en fait d'analyser. Donc si on trouve des molécules organiques par la pyrolyse simple de Sam, la pyrolyse, c'est-à-dire le fait de brûler. Hein. Le fait de brûler jusqu'à 1000 degrés. En fait, si on trouve donc le fait de brûler jusqu'à 1000 degrés, on détruit ces molécules. Et donc ce qu'on observe, c'est pas la molécule initiale, c'est le résultat de la dégradation de cette molécule par pyrolyse. Et donc si on trouve plusieurs molécules organiques qui nous font penser que ce soit les riches en molécules organiques, on a cette possibilité de réaction chimique qui va nous permettre d'analyser des molécules beaucoup plus complexes et qui nous permettrait de trouver, qui nous permettrait d'analyser des acides aminés, des acides carboxyliques, donc des molécules très complexes qui, elles, pourraient contenir du phosphate beaucoup plus facilement. D'accord. Moi, je vais être très brutal. Je vais être très méchant avec les scientifiques. En fait, La matière minérale ne les intéresse pas vraiment en tant que telle. Allez, copie. Ah, le phosphate, c'est le guano. Hein. C'est le guano, le phosphate. Donc, c'est pas une molécule noble. Ça fait bien rêver de dire on va trouver des protéines. C'est des protéines. Enfin, les acides aminés, c'est des protéines, c'est la chair. C'est vraiment. C'est quelque chose. C'est la viande. Quoi. C'est quelque chose. On sent que c'est vivant. Quand on parle d'ADN, on cherche les bases. Parce que les bases, c'est le code, c'est le mystère, c'est ce triplet, etc. On sent qu'il y a des choses. Bon, le phosphate. Alors, les carbonates, c'est intéressant parce que c'est CO2, ça veut dire qu'il y a eu des océans, etc. Le phosphate, franchement. Le phosphate, quoi. Bon, alors, s'il le trouve, les gens seront contents. Toutes les molécules n'ont pas la même noblesse. Et deuxièmement, il ne faut pas non plus tomber dans un certain travers, parce que c'est un travers dont on va parler, puisque il y a quelques années, il y a 2 ans à peu près, vous avez entendu parler de ces bactéries qui étaient résistées à l'arsenic et qu'il fallait chercher. Oui, c'est la NASA qui avait sorti la ça. NASA, c'était pas, donc c'est pas qu'elle avait résisté à l'arsenic. La NASA avait c'est fait pas, la c'est pub pas autour que ça de ça. À la... Elle ne vivait que d'arsenic. Non, et l'arsenic avait remplacé le phosphore. Elle était composée partiellement d'arsenic. L'arsenic avait remplacé le phosphore. Donc le phosphore, il intervient notamment au niveau de l'ADN, au niveau de phosphate, comme je l'ai dit au début. Et puis il intervient aussi dans l'ATP et ADP, adénosine diphosphate, qui est couplé à l'adénosine triphosphate. Et ça fait un couple qui se libère de l'énergie. Le problème, bien entendu, c'est qu'ils n'ont jamais montré qu'il y avait un arséniate dans l'ADN ou un arséniate triphosphate ou un arséniate, etc. Là, ça aurait été une preuve très importante. Bien entendu, ils n'ont pas montré parce que ça n'existait pas. Donc on a toujours besoin de phosphore. Le P de Schnaps. Et voilà, c'est Schnaps. Et il ne faut pas se précipiter sur les minéraux. C'est vrai que les minéraux, la chimie minérale, d'une façon générale, on conçoit assez facilement qu'elles puissent se produire dans des réactions en solution de façon relativement simple avec des systèmes de précipitation relativement compréhensibles. Mais c'est un peu dommage qu'on s'y intéresse peut-être pas tout à fait assez. Tout à fait assez, d'accord. Alors moi, je dois vous poser une question que, qu'on a envie de poser depuis le début, en fait. Hein, Michel Vizeau. La question qu'on a envie de vous poser depuis le début à tous les quatre, c'est est-ce que vous croyez à la vie ailleurs, finalement ? Est-ce que vous le croyez possible, existante, et plus que possible existante, mais voilà, est-ce qu'on a des idées sur ce point ? Donc après, ça, c'est des opinions personnelles. Et personnellement, je n'imagine pas que la vie n'a pu apparaître que sur Terre. Considérant, même si on ne connaît pas vraiment le passage de l'inerte au vivant, si on ne connaît pas les conditions nécessaires, si la Lune était nécessaire sur Terre pour former la vie. Ça, c'était un sujet, hein, parce que Michel Vizeau dit il faut de l'énergie, il faut de l'eau liquide, etc. Mais il y a certains qui disent aussi, oui, mais il faut aussi une Lune qui va stabiliser la planète d'une manière ou d'une autre, faire qu'il y ait des saisons, ce genre de choses. Il y a cette zone d'habitabilité, etc., etc. En fait, la vie a beaucoup plus d'imagination que les scientifiques. On pensait la vie impossible sans lumière. pour l'énergie. On a trouvé des bactéries qui utilisaient l'oxydoréduction par les minéraux. En se passant de lumière, qui vivent dans des mines, dans les profondeurs, et qui vivent en fait par l'énergie d'oxydoréduction de minéraux. Ensuite, on pensait la vie impossible en dessous d'une certaine taille. On a trouvé les nanobactéries, donc de l'ordre du nanomètre, donc 10 puissance 9 mètres. Vous rajoutez 9 zéros avant 1, 0,00001 mètre. C'est la taille de ces bactéries. On pensait la vie impossible sans eau liquide. Donc il y a des bactéries qui vivent dans la glace. Donc c'est assez controversé encore, cette histoire de bactéries dans la glace, il me semble. On trouve des bactéries dans l'acide, on trouve des bactéries dans les cuves de réacteurs nucléaires. Oui, on a des bactéries extrémophiles qui sont capables de résister à des conditions auxquelles elles sont même pas exposées sur Terre. Également, il y a même un animal, le tardigrade, qui est un animal qui est capable de résister à des radiations extrêmes et à des conditions auxquelles il n'est jamais exposé. Ce qui est assez rare dans le monde animal, parce que le monde animal s'adapte, donc Darwin, l'évolution, le monde animal s'adapte aux conditions auxquelles il est soumis. Et les tardigrades étant capables de résister à des conditions auxquelles ils sont même pas soumis naturellement, on se demande leur origine. Et il y a beaucoup d'hypothèses sur les tardigrades et leur origine extraterrestre. Donc voilà, la vie a plus d'imagination que les scientifiques. Michel Vizeau fait la moue, là, d'un seul coup. Bon, Michel Vizeau, ouais. La vie ailleurs, vous y croyez? Ça pullule? Est-ce qu'elle est intelligente? C'est-à-dire que ça ne sert pas de portable. Elle ne regarde pas la télé. Bon, d'abord, effectivement, on sort du domaine scientifique pour entrer dans le domaine de l'intime conviction. Donc, chacun a ses propres intimes convictions. Bien entendu, si jamais on trouve des traces de vie ou l'hypothèse d'une vie sur Mars, c'est-à-dire sur la planète d'à côté, sur notre voisine la plus proche, ça veut dire que vraiment il y en a partout dans l'univers. Il n'y a aucune raison. Si on arrive à montrer qu'il n'y a pas de lien entre les deux, parce qu'on est aussi voisins, et si on arrive à montrer qu'il n'y a pas de lien, si on trouvait de la vie sur Mars. Si elle s'est créée sur Mars parallèlement à la création sur Terre. Voilà. Ouais. On a toute raison de penser que c'est quelque chose de commun dans ce cas-là. Dans ce cas-là. Bon, si on ne trouve pas sur Mars, et pour l'instant, on cherche. Pour l'instant, on n'a pas trouvé la clé de douze. On devient un peu impatient d'ailleurs. L'impatience, elle est probablement légitime, mais elle ne peut pas aller plus vite que la technologie et les moyens qu'on met dedans. Hein. Donc ceci étant. Donc, si on ne trouve pas sur Mars, il est probable que de la vie existe ailleurs, quelque part, dans l'univers, d'une façon générale. L'univers, c'est 400 milliards de galaxies, probablement dans notre galaxie, entre 200 et 400 millions d'étoiles, compte tenu du fait que maintenant, on trouve des planètes un peu partout, de tout type, etc. Franchement, il n'y a pas de raison qu'elle n'existe pas, qu'elle n'ait pas existé ou qu'elle n'existera pas dans notre galaxie. Dans notre galaxie ou dans l'univers? Dans notre galaxie. Dans la galaxie, bien sûr. La galaxie, c'est l'univers. Oui, on est d'accord. Actuellement, la dernière hypothèse, c'est que, bon, d'après des calculs, à partir d'un échantillonnage très simple, c'est qu'il y avait, la dernière fois, c'était j'avais entendu 17 millions de Terres dans la galaxie, et puis j'ai entendu 400 millions, là, récemment. Ah, 17 millions de Terres, hein, de Terres. Voilà, dans la galaxie. On les verra probablement jamais, mais des estimations disent que, voilà, bon, c'est l'ordre de grandeur, c'est possible, voilà. On est dans les grands nombres. Donc, dès qu'on est dans les grands nombres, toutes les hypothèses sont possibles. Et donc, il est vraiment, d'après moi, tout à fait légitime aujourd'hui de penser, ou de croire, on peut le dire comme on veut, que de la vie extraterrestre existe quelque part dans l'univers. Maintenant, est-ce qu'on a des chances de la détecter? Là, malheureusement, je dirais même avec la technologie telle qu'on est capable de la prévoir dans les 5 à 10 ans qui viennent, ça semble très, très, très, très difficile. Donc voilà. Donc, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail. Alors, est-ce que quelqu'un aurait envie d'élaborer, comme on dit en anglais, sur le paradoxe de Fermi, pour terminer? Le paradoxe de Fermi qui dit... Bon, c'est Michel Vizeau qui garde le micro, alors. Le paradoxe de Fermi qui dit, grosso modo, s'il y a une vie... La question, c'est sur la vie intelligente. S'il y a une vie intelligente ailleurs dans l'univers, il n'y a pas de raison qu'elle n'ait pas été créée avant la vie sur Terre, y compris des centaines de millions d'années, voire des milliards d'années avant la vie sur Terre. Et en ce cas, les civilisations intelligentes, elles ont pu se développer, elles ont pu créer des systèmes pour aller se promener d'étoile en étoile, pour aller coloniser la galaxie. Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas encore là? Alors, Michel Vizeau regarde sa montre. Il se demande si on a encore une heure. On en a pour combien de temps, là? 3 heures? On termine dans 5 minutes. Donc, je vais résumer les choses. Ils arrivent dans une demi-heure. Alors, bon, d'abord, je ne discute pas les talents de M. Fermi. D'accord? Par contre, il était sûrement un très bon physicien nucléaire, un peu dangereux parce qu'il a failli faire sauter Chicago, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais, par contre, dès qu'on parle de biologie, il faut quand même rester les pieds dans la biologie. Là, j'ai des légers doutes sur ses compétences. 3 choses. Premièrement, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas eu des intelligences avant. Ben, il n'y a pas de raison qui prouve qu'il y ait eu des raisons pour qu'il y en ait avant. Je n'en sais rien. Ça, c'est la première chose. Vous venez de me dire que la vie avait probablement éclos dans pas mal d'endroits. C'est votre intime conviction. Voilà, vous l'avez nommée comme telle. Donc, on peut imaginer que dans ce foisonnement que vous imaginez, il y a une partie intelligente. Attendez. On peut Je suis impatient. La patience dans l'imagination, ça se traduit par des romans de science-fiction. C'est parfait, il n'y a aucun problème. On a le droit d'avoir toutes les imaginations qu'on veut. Maintenant, si on regarde sur un peu la réalité du monde tel qu'on le connaît, tel qu'on peut l'imaginer sur des bases scientifiques, on change un peu de registre. Premièrement, donc, moi je ne sais pas s'il y a des raisons ou pas. Ce que je constate, c'est que mon intime conviction est que intuitivement, on peut comprendre que la vie peut se créer sous forme de micro-organismes divers et variés, bactéries ou un peu plus évoluées, avec un noyau fermé, etc. Ça, on peut le comprendre. On peut l'imaginer. Ensuite, si l'on admet l'hypothèse d'une évolution darwinienne, l'évolution du darwinisme, elle n'est pas déterministe, elle n'est pas créationniste. Elle est fondée sur l'effet des conditions locales qui ont un facteur sélectif sur la reproduction. Donc, la sélection et l'évolution, elle est strictement liée à l'environnement local. L'environnement d'une bactérie, c'est 2 cm. C'est pas l'univers, c'est 2 cm. L'environnement pour un pinson, c'est 25 km. C'est pas 40 000. Donc, et ce qui a amené à l'homme, donc si on dit qu'il y a une vie intelligente, ça veut dire qu'il y a le même déterminisme qui a créé la coccinelle ou le ver de terre. Parce que s'il n'y a pas de ver de terre, il n'y a pas d'homme. S'il n'y a pas de plante, il n'y a pas d'homme. S'il n'y a pas eu des météorites qui ont tué les dinosaures, il n'y a pas de mammifères. Donc, on voit bien qu'on est lié à des conditions extrêmement locales. Donc, personnellement, mon intime conviction, et celle-là, je la porte haut et fort, c'est qu'il n'y a aucune raison pour que l'on passe de la bactérie à l'adolescente qui pianote sur son smartphone. Il n'y a absolument pas de voie directe. Ailleurs dans l'univers. Ailleurs dans l'univers. Tout est, je ne dis pas que ce n'est pas possible. Je dis simplement qu'il n'y a aucune voie réelle, scientifique et qu'on puisse argumenter qui amène du micro-organisme... À l'intelligence ? À l'intelligence. D'accord. Qu'intuitivement, on peut comprendre ce qu'est un micro-organisme, mais sortir du micro-organisme pour passer à l'organisme, c'est-à-dire... un système qui a des organes spécialisés avec des cellules, avec des bactéries qui sont parasites de ces cellules, ça s'appelle les mitochondries, etc., etc. Enfin, je ne vais pas faire un cours de biologie générale, mais... Donc, il n'y a aucune raison que ça se produise. Alors, on peut en rêver, bien sûr. Ça serait tellement formidable d'avoir des copains pour leur serrer la main. C'est plus qu'en rêver, ça existe déjà sur Terre. Est-ce qu'on est vraiment si intelligent que ça? Oui, bon, ça c'est notre question. Enfin, là, vous jouez sur les mots. Le grand pas, c'est de passer du micro-organisme à l'organisme, c'est-à-dire avec un ensemble d'unités qui coopèrent, qui possèdent la même information génétique, mais qui la différencient pour avoir des fonctions différentes. Et deuxièmement, qui passe ensuite à une forme manufacturière, c'est-à-dire capable de prendre l'environnement et d'en faire quelque chose qui soit créatif. Ça veut dire de la création. Vous appelez ça de l'intelligence, moi je préfère l'aspect manufacturier. Tout ça, c'est lié à des conditions locales, vraiment locales. Je veux dire, on sort le berceau de l'homme, des hominidés, même pas de l'homme, des hominidés, c'est le Tchad. Moi, je ne connais pas qu'est-ce qui se passait il y a 4 millions d'années au Tchad, enfin dans la région du Tchad et des Grands Lacs, qui ont justifié que l'homme, l'hominidé, soit sorti du primate. Donc voilà. Donc, je veux dire, le paradoxe de Fermi, pour moi, c'est on peut raconter ça aux petits-enfants et aux jeunes scientifiques pour les faire rêver, mais ça n'a pas vraiment de sens scientifique. Alors, est-ce qu'il y a une dernière intervention? Pas de regret? Non? C'est bon? Vassilissa ou Cécile, est-ce que vous voulez nous donner votre intime conviction avant qu'on se quitte? Cécile, allez-y. Je suis d'accord que... Enfin, moi, je pense aussi que la vie existe ailleurs et ou que les conditions, on voit bien l'univers... Oui, il y a tellement d'étoiles qui se forment et de façon similaire, les galaxies qui sont similaires, les... Donc je pense qu'on n'est pas... Pour ces raisons aussi, il y a tellement de duplications dans l'univers qui font penser que... On n'est pas dans... Il y a peut-être des conditions uniques qui font, comme disait Michel, nous tels que nous sommes. Mais après, donc oui, je pense aussi. Ok, et Vassilissa ? Pour ma part, bon, étant un optimiste là-dessus, donc je pense qu'il y a de la vie ailleurs. Mais après, j'aimerais aussi rajouter quelque chose, parce que là, le coup des, par exemple, des dinosaures, si on n'avait pas eu cette météorite qui était tombée sur la Terre à l'époque des dinosaures, les dinosaures n'auraient peut-être pas disparu, et les mammifères ne seraient peut-être pas développés. Et on peut remonter encore plus loin, dans le sens où la Terre, elle est là où elle est dans le système planétaire à l'heure actuelle, parce que la formation du système planétaire a eu à... enfin. Ça a été un peu un gros coup de bol dans le sens où on a d'autres planètes dans notre système planétaire et c'est grâce à Jupiter et à Saturne que la Terre est aujourd'hui là où elle est et qu'elle a pu se former là où elle est. Donc dans une zone habitable avec de l'eau liquide et qu'elle a pu développer la vie. Mais donc franchement c'est vraiment une succession de... hasard, de coïncidence, je sais pas comment on peut appeler ça, mais est-ce que cette succession de choses, on peut la retrouver dans d'autres systèmes? Voilà. La question est posée. J'espère. Bon. Ouais, voilà, ce qu'il faut garder, quand nous on parle de vie, on parle de bactéries, on parle de micro-organismes, c'est ce qu'on recherche, on parle pas de plantes, on parle pas d'êtres humains, on parle pas d'animal, c'est, voilà. Les bactéries, c'est vraiment les premiers stades, les premiers états. Pas mal. Voilà, la cellule... Nous sommes frères, dit Michel Vizio. Non, j'insiste, il n'y a aucune différence entre une bactérie... Enfin, il y a une petite différence entre une bactérie et nous, mais c'est le même code génétique. La différence, c'est le portable. La différence, c'est le portable. Hein? On a le même code génétique, on a les mêmes protéines, on a la même source d'énergie, on a les mêmes membranes. Voilà. On est frères, hein? Il n'y a pas de différence. Je veux juste ajouter que en fait l'homme est un animal comme les autres et il y a 5 règnes qui sont considérés sur Terre et le règne animal, l'homme en fait partie, c'est pas du tout le summum de l'évolution. L'oiseau peut être le summum de l'évolution dans son domaine puisqu'il a développé le vol alors que l'homme ne vole pas du tout. La bactérie, elle a une capacité d'adaptation qui est énorme, elle a un temps de génération de 20 minutes, donc la bactérie est beaucoup plus évoluée que nous dans le sens de l'adaptation. L'homme n'est pas du tout le sommet de l'évolution, l'homme est un animal parmi les autres. Bon, bah, ce sera la conclusion de la soirée. Avant de tout à fait se quitter, je voulais vous donner un autre rendez-vous avec Marie-Claude qui organise ces soirées. C'est le 17 décembre. Ariane 6, à quoi ressemblera le nouveau lanceur Ariane 6? C'est donc le sujet du 17 décembre. Avant ça, on peut même se retrouver mardi 4 décembre, ici même. C'est un bar des sciences qui est organisé par le réseau Bar des sciences Paris. Et le sujet, c'est les observatoires de demain. Les observatoires astronomiques de demain. Merci infiniment, s'il vous plaît, de remercier Caroline Fraissinet, Michel Vizio, Vassilissa Vinogradov et Cécile Favre. Merci beaucoup à vous tous et bonne soirée. Au revoir. Au bar des sciences, chacun nourrit sa pensée. Et chacun nourrit sa pensée.